Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette première émission de Celluloid, l'émission qui va vous parler d'animation en long, en large et en travers. Alors avant de présenter l'émission en elle-même, on va vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a souhaité l'appeler Celluloid. Donc alors on va commencer d'abord par une définition. Donc pour vous expliquer en fait que le celluloid est une feuille plastique transparente d'acétate de cellulose sur laquelle on peint à la main les différents éléments d'un dessin animé. En clair, c'est l'élément sans quoi un dessin animé, un film d'animation n'était pas possible à l'époque. Donc il y a un petit moment de ça, parce que maintenant avec les techniques 3D, on va beaucoup plus loin que ça. Mais en clair, sans cellulo, pas d'animation. Et sans animation, et ben pas de podcast, tout simplement. Donc le but de cette émission, ça va être de vous présenter tous les types d'animation possibles, que ce soit en termes d'images de synthèse, en termes d'animation traditionnelle, donc en 2D. Que cela vienne du Japon, d'Angleterre ou des États-Unis. Le but, ce sera évidemment d'évoquer l'animation dans son spectre le plus large possible, des courts-métrages en passant au long-métrage, en passant également par les différents festivals de par le monde. Et donc, forcément, tout sera bon pour parler d'animation. Alors, pour le coup, je ne suis pas tout seul à travailler sur cette émission, puisque je suis avec Tuntun. Bonsoir, Tuntun. Bonsoir, salut tout le monde. Alors prêt pour cette première mission ? Tout à fait prêt, autant que toi. Autant que moi, c'est parfait. Et nous ne sommes pas tout seuls puisque nous avons également la chance d'être avec Chronos. Bonsoir Chronos. Bonsoir à tous. Donc même question, pareil pour cette première mission ? Pareil, on va voir ce que ça donne. Tout à fait. Donc on va, alors, pour vous expliquer un peu comment ça se présente, on va d'abord parler d'une... Donc il y a d'abord une section news. Ensuite, on va ouvrir la séquence critique. Donc, la séquence critique, ça concerne tous les films d'animation qu'on a eu la chance de voir, ou la malchance de voir, on le verra tout à l'heure, au cinéma. Et enfin, on va terminer sur un dossier débat, sur, on va même déjà vous poser la question tout de suite, puisque ça concerne la créativité de chez Pixar, savoir si justement la créativité chez le célèbre studio d'animation américain est en berne depuis quelques années. Pour terminer, donc surtout après générique de fin, ne quittez pas, puisqu'il y aura la séquence post-générique. Donc on espère tous que cela va vous plaire, et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la séquence des news. Pour commencer par les news, alors on va parler d'une série d'animation qui est quand même attendue par pas mal de monde, puisqu'il s'agit de Space Dandy. Space Dandy, pour vous présenter le principe, c'est la nouvelle série de Shinichiro Watanabe. Alors, si vous ne le connaissez pas sous son nom, vous devez le connaître, par rapport à ses productions, et notamment par rapport à une production qui a maintenant plus de 15 ans, puisque c'est le papa de Cowboy Bebop, une série ô combien culte pour nombre de personnes. Alors, cette série a été présentée par son réalisateur comme une comédie sur fond spatial pour retrouver un peu l'esprit de la série, pour comprendre un peu comment elle fonctionne. Watanabe fait référence à un épisode de Cowboy Bebop, à savoir Mushroom Samba. Le meilleur. Certainement, voilà. Un des meilleurs. Un des plus drôles, puisque c'est quand l'équipage du Bebop, donc le vaisseau phare de la série, se retrouve à manger des champignons hallucinogènes. Et tout l'épisode en fait est dans un délire total, et c'est un non-sens tout au long de l'épisode. C'est vraiment très très drôle. Alors de plus, la série sera animée forcément par le studio Bones, pour lequel a déjà travaillé Watanabe. Et chose intéressante, c'est qu'on retrouve un Français du côté du casting, puisque Thomas Romain, donc que certains ont peut-être déjà connu sur une série franco-japonaise du nom de Oban Star Racer, qui était sortie il y a quelques années. Donc lui sera crédité sur le design des vaisseaux. Alors messieurs, alors est-ce que c'est une série que vous allez attendre impatiemment, qui vous fait de l'œil déjà ? Oh que oui. Évidemment. Bah, rien que le nom de Cowboy Bebop, c'est signe de qualité, alors j'attends ça avec impatience. Et puis c'est la bande-annonce qu'ils ont dévoilée, ça montre un univers complètement fou de science-fiction et de tous les épisodes loufoques de Bebop. Non, franchement, ça s'annonce. Ouais, il y a des boobies. Ça s'annonce coloré. C'est ouais, très très attendu. Ouais. Ouais, il a l'air très audacieux et enfin ça va dans tous les sens. On retrouve du Cowboy Bebop, on retrouve du Samurai Champloo un peu, même ouais. du Redline, j'ai trouvé. C'est vrai. C'est un mélange de pas mal de choses, et puis c'est un peu un retour aux sources pour Watanabe après Kids on a Slope, Oui, qui et ça fait était du bien. pas du tout dans le même esprit, quoi. Ah non, pas du tout. Et du coup, Space Dandy, c'est prévu pour Début 2014, hein, c'est ça? janvier, ouais, janvier Janvier. 2014. Donc, ça va arriver très rapidement avec la. Bah, d'ici quelques mois, on aura l'occasion de certainement de l'avoir bah, On bientôt au en Japon. Et... reparlera certainement. Exactement. Ah, news suivante. Alors, une des news importantes, des grosses news de cette première émission, puisqu'elle concerne simplement la programmation des prochains Disney et des prochains Pixar. Alors, vous ne connaissez certainement pas la convention D23 Expo, qui a lieu tous les 2 ans aux États-Unis. Ben, tout simplement, vous devriez le connaître, puisque cet événement réunit les fans de Disney, et c'est lors de cet événement que pas mal d'informations ont été lâchées concernant les projets en cours ben, chez Disney et chez Pixar. Alors, on va vous donner un peu tous les principales annonces qui ont été faites. Tout d'abord, un Toy Story of Terror, donc un moyen métrage de Pixar qui sera diffusé aux États-Unis au mois d'octobre. On retrouvera également donc un court métrage qui avait déjà été présenté en avant-première lors du dernier festival d'Annecy, c'est Get a Horse, donc qui retrouve, bah, retrouve Mickey tout simplement. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu en animation du côté de chez Disney. Et il fera d'ailleurs office d'amuse-bouche à la Reine des Neiges. Le prochain long métrage de chez Disney qui est prévu pour le 4 décembre au cinéma. Rien que pour ça, j'ai envie d'aller voir la Reine des Neiges. Ouais, surtout c'est sympa parce que ça ressort un peu du côté. C'est un film un court métrage en animation en 2D. Ça fait très, ouais, Et les le Mickey, style. les vieux Mickey, quoi, Bah, les premiers Steamboat Mickey Willie, par d'animation, exemple. Ah, de ce que j'ai par entendu exemple. dire, il y en a qui l'ont vu à Annecy. Et en gros, le principe, c'est que ça fasse comme un ancien court-métrage de Disney, de Ouais. Mickey. Et qu'en fait, ça se modifie et ça se transforme. Et ça... Après, je ne sais pas exactement comment ça se D'accord. fait, mais c'est un mélange, en fait, avec l'ancien et le moderne. Ça fait une transition, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Entre les deux. Et puis c'est sympa parce que du coup, c'est vrai qu'on n'était pas habitué chez Disney à avoir des courts-métrages, à avoir un film d'animation. C'est plus, on va dire, une marque de fabrique de chez Pixar, et je trouve ça plutôt sympa pour embrayer sur un long-métrage, quoi. Je recommande, il y a des courts-métrages qui sont sortis de Mickey, mais dans un style beaucoup plus moderne. Il y en a un qui est disponible sur Net qui s'appelle Croissant de Triomphe, Ouais. qui se passe à Paris et qui est très très chouette aussi. Ils en ont sorti un il n'y a pas longtemps où Donald et Mickey sont à la plage et il est vraiment chouette aussi. Je recommande parce que c'est vraiment très chouette comme court-métrage. Ouais, celui à Paris, je l'ai vu, et c'est ultra dynamique, et c'est vraiment très très très chouette. Ouais. Celui sur la plage, il est aussi cool, quoi. Il est vraiment chouette. D'accord. De toute façon, on remettra les liens des vidéos et des courts-métrages que l'on évoquera dans la news de l'émission. Alors, autre grosse annonce, c'est The Good Dinosaur. Donc, c'est la prochaine création en provenance de chez Pixar. Donc, le pitch de base est vraiment tout simple, hein, puisque c'est comment serait le monde si les dinosaures n'avaient pas disparu il y a 65 millions d'années. Donc, il est prévu pour l'été prochain, l'été 2014. Et il sera précédé par un court-métrage dans l'univers de Monstres Academy, donc le dernier Pixar sorti, qui portera le nom de Partie Centrale. Donc ça c'est pareil, c'est un des films... Bah déjà, le pitch de base donne vraiment envie finalement de voir ce que ça peut donner, quoi. Ouais, ça Bah, c'est curieux, ça donne envie de voir ce que ça donne, quoi. le pitch, et puis l'artwork qu'ils ont diffusé avec, où on a un style, enfin, qu'on a pas encore vu chez Pixar, quoi. Ça a l'air artistiquement différent, en tout cas. Tout à fait. Alors, le prochain, certainement, bah, c'est une des grosses sorties de cette fin d'année sur les écrans, notamment français, puisque c'est l'annonce de Planes. Alors, il n'était pas encore sorti que déjà une suite était prévue. Donc, la suite portera le nom de Planes Fire and Rescue, donc qui est déjà sa date de prévue, donc c'est novembre 2014. Autant dire que l'invasion est proche, mes amis. Si le premier marche, autant dire que le deuxième est déjà prévu et que certainement un troisième pointera le bout de son nez. Pour vous expliquer un peu, Planes, c'est dans l'univers de Cars, mais avec des avions. Tout simplement. Tout simplement, voilà. Donc voilà, c'est. n'attends pas non plus énormément d'originalité à ce niveau-là. Et c'est fait par Disney Et et c'est pas voilà. Ouais. Pixar. La différence, c'est que c'est Disney qui s'occupe du projet. C'est le studio qui s'occupe des films clochettes qui sortent en DVD, qui sont D'accord. plutôt jolis. Après, on va voir ce que ça donne au cinéma, justement. Mais après, je sais pas, c'est Lasseter qui s'en occupe Ah ou non, pas du tout, non. Non, c'est pas du vraiment tout. Disney, ouais. D'accord. Je pense pas qu'il ait son mot à dire. Alors peut-être qu'il supervise de très loin, mais à part ça. Ouais, parce que vu son attachement à la licence. Ouais, ça me surprendrait pas non plus, hein. Je pense qu'à mon avis, doit être producteur ou quelque chose comme ça. Mais je pense pas que ça aille beaucoup plus loin. D'accord. À noter que même si ça n'a pas été annoncé officiellement, il semblerait que l'idée aussi serait d'adapter d'autres films, on va dire, avec d'autres moyens de locomotion. Donc on a eu les voitures, on a eu les av donc là on va avoir les avions. Il y aura certainement, si ça fonctionne bien, avec des bateaux. Donc Les tanks, les trains, ouais, les En tout cas, le fusées. programme de jouets pour les Happy Meal, il est déjà bouclé pour les cinq Ah prochaines années. ouais. Ah ouais, là je pense que le plan quinquennal est en poche. Alors, autre annonce intéressante et très importante, puisque c'est une des premières annonces importantes depuis le rachat de Marvel en termes d'animation, puisqu'on va parler de Big Hero 6, puisque Big Hero 6, en fait, pour être clair, c'est une adaptation d'un comics de Marvel. Il s'agit d'un groupe de super-héros au Japon qui reprend un peu qui reprend les fonctions des Vengeurs, donc à leur niveau, avec d'autres pouvoirs. C'est prévu, alors il y a déjà une vidéo qui était sortie très courte. C'est prévu pour février 2015 en France et novembre 2014 aux États-Unis. Vous avez eu l'occasion de regarder, de vous y intéresser un peu plus précisément ou pas? Moi, pas spécialement. J'ai vu la petite vidéo, ça a l'air très joli. Après, parce que c'est vraiment très obscur comme licence. Je crois qu'il y a peu de monde qui connaissait la licence avant qu'ils annoncent ça, à mon avis. Enfin, par les gros fans de Marvel. Mais ça a l'air sympa. Les designs qu'ils ont montrés, ça a l'air sympa. C'est à voir. Ça sera peut-être dans Et les... Vas-y, Tonton. on sait qui s'en occupe. C'est Disney pour le coup, je crois. C'est C'est pas mal. C'est pas Disney parce Pixar, que ouais. avant le rachat par Marvel, il y a eu des animés Marvel. C'était Bones, je crois, qu'on avait Oui, fait. ah oui, t'avais Wolverine notamment. Ouais. Il y avait Iron Man, je crois Ouais, aussi. tout à fait. Ils avaient fait toute une série d'épisodes comme ça Qui était passé en avec France. des héros Marvel. Et c'est. Enfin, je trouve étonnant que pour un premier. Comment dire, une première adaptation Marvel, et il fasse directement quelque chose qui se passe au Japon et qui... Enfin, je sais pas, je trouve ça assez étonnant. Ça sera peut-être dans l'esprit de la série, je sais pas si vous vous rappelez de ça, la série Teen Titans. Oui, c'est Ouais. vrai que ouais, ça peut être un truc comme ça. Qui était passé à l'époque, ça passait à l'époque sur France 3 et qui reprenait, voilà, du coup, il me semble, si je dis pas de bêtises, ça devait être chez DC. Et qui reprenait, voilà, Ouais. des héros qui travaillaient ensemble. Alors, on va passer au prochain projet qui, moi, est certainement celui que j'attends certainement le plus dans tous ceux qui ont été présentés avec The Good Dinosaur. C'est Inside Out. Qui est certainement le projet le plus intrigant, puisque l'histoire nous emmènera à l'intérieur d'un cerveau humain à la découverte des émotions. Et je crois même que c'est à l'intérieur d'un cerveau d'une petite fille, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est prévu pour l'été 2015, et ce sera réalisé par un des classiques de chez Pixar, puisque c'est Pete Docter qui va s'en occuper. Donc c'est une belle chose à venir. Donc, alors par contre c'est pour 2015, donc il y a encore un an et demi à attendre. Mais le fait de l'annoncer, ça donne plutôt envie de le voir, quoi. Ouais, surtout quand on connaît le passé de Pete Docter. Et puis c'est vrai que le pitch, enfin le postulat de base est clairement sympa, quoi. Surtout, ils arrivent toujours avec une phrase finalement à donner envie, parce qu'on se demande dans quelle direction ils vont pouvoir partir sur ce film-là, quoi. Alors deux dernières annonces, c'est donc la suite du monde de Nemo, qui s'appellera le monde de Dory. Donc Dory, pour replacer un peu les choses, c'est le poisson qui accompagne Nemo dans sa quête pour retrouver son fils. Et donc le film est prévu pour fin 2015. C'est le père de Nemo. Oui, de Père de Nemo, Oui, de pardon. Père Nemo, ouais. Ouais. Autant pour moi. Alors il me semble que c'est Pixar qui s'en occupe. Ouais, c'est Oui, ça, ouais. oui. On n'en sait pas beaucoup plus de toute façon. Et apparemment, c'est Andrew Stanton qui bosse dessus. Qui récupère le bébé. Bah, ça va peut-être lui faire du bien après le John Carter et la fessée historique qu'avait reçue Disney à l'époque. C'est pas plaisir. Ouais, fessée historique dans le mauvais sens du terme, évidemment. Dernière annonce, c'est Zootopia. Alors, une comédie d'aventure mettant en scène un renard et un lapin. Ce sera réalisé par Byron Howard qui a réalisé auparavant bizarrement Volt. Donc, c'est. Il est toujours dans la comédie animalière, on va dire. Il avait également réalisé Réponse. Et donc là, c'est un Disney qui, lui, est prévu pour 2016. D'ailleurs, Volt, c'est intéressant, c'était un des premiers films. C'était un film sur lequel avait travaillé John Lasseter. Après le. Si je dis pas de bêtises, c'était le premier totalement en 3D de Disney. C'était pas le tout premier. Le premier, c'était Chicken Little, il me semble. Tout à fait. Si je dis pas de Ah, bêtises. peut-être bien, ouais. Il y a eu Bienvenue chez les Robinson aussi, juste avant. Mais Volt, c'était vraiment le tout premier où John Lasseter a eu son mot à dire, en fait. C'est quand il a Ouais. pris le contrôle de l'animation chez Disney. C'est à ce moment-là. Tout à fait, c'est voilà, parce que c'est lui qui était mis en avant, notamment lors des interviews, lors de la présentation de Volt à la presse. Ben voilà, Qui je d'ailleurs, il vois. était très bien. Petite Enfin, moi, info j'avais beaucoup aimé. supplémentaire aussi, parce que j'ai vu que le The Good Dinosaur en fait a été repoussé. Et du coup, l'année prochaine, en fait, il n'y aura pas de film Pixar. Dernière nouvelle. D'accord. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une année comme ça. Ouais. C'est prévu pour 2015 et le monde de Dory est décalé à 2016 Ah dans les aussi du dates. coup, Ouais. d'accord. Bah voilà, qu'est-ce que vous en pensez vous du coup de toutes ces annonces? Bah ça a l'air pas mal. Après, on en reparlera après le débat sur les suites de Pixar. Voilà. Et c'est vrai que les pitchs ont l'air aguicheurs, en tout cas. Et on voit que Disney, notamment par rapport à Marvel, va commencer à travailler, à avoir une vraie stratégie. On va dire pour rentabiliser l'achat de Marvel qui n'est pas non plus rien en termes Ouais, d'investissement quoi. c'est sûr. Et on pourrait aussi s'attendre, j'imagine, à l'avenir à des annonces de films d'animation autour de l'univers de Star Wars, puisque avec Ouais, il y a des chances. peut-être des séries, peut-être pas forcément des films d'animation, puisque il y aura les films en prise de vue réelle sur lesquels ils sont en train de travailler, mais à mon avis des séries Ouais, comme dans... The Clone Wars à l'époque, ou peut-être plus des cours justement pour accompagner les sorties Après, ou entourer les sorties, quoi. j'imagine mal que Pixar se mette à faire un film Pixar, mais peut-être un autre studio qui sera géré par eux ou quelque chose comme Ah ça. oui, aussi, ouais, tout à fait. Pixar Ouais. directement, je suis pas si sûr que ça. Ah non, pas forcément Pixar, Ah, non. Disney en général. Ouais, en général, ouais. Alors, on va parler donc prochaine la nouvelle news. Donc, c'est le studio Laika. Donc, si vous ne connaissez pas studio Laika, c'est eux qui ont T'es notamment mal. qui ont c'est très mal. Exactement, c'est pas bien. Surtout, c'est eux qui ont réalisé Paranorman, qui était sorti l'année dernière, hein, qui était un excellent film d'animation qui on avait connu en France sous le nom de L'étrange pouvoir de Norman. Ouais, Et malheureusement. donc, le film, c'est un film en stop motion. Ou animation en volume, dans le même esprit que les films du studio Aardman, donc Chicken Run, les Wallace et Voilà, c'est Gromit. Gromit, ouais. Et donc, même en 2014, il y a encore des projets, ça nous fait bien plaisir d'ailleurs, qui utilisent cette technique d'animation qui est extrêmement précise et coûteuse en termes de temps, notamment parce que c'est C'est très, très long, très, ouais. très, Très très très long long. à Ils avaient mis réaliser. 4 ans, c'est ça, pour faire Norman. Ouais, ils avaient fait Coraline juste avant, et c'était pareil, ils ont mis pas mal de temps à Ouais. le faire. Et donc ils ont annoncé leur nouveau projet par le biais d'un petit teaser qui s'appelle The Box Troll. Alors dans le teaser en question, on y découvre un orphelin qui est élevé par un groupe de créatures qui récupère nos ordures une fois le soleil couché. Alors pour autant, le peu qu'on a pu voir, ça donne vraiment l'eau à la bouche. Surtout, ben, voilà, quand on connaît l'excellent travail d'animation qui avait été réalisé auparavant sur Paranorman. Qui était vraiment une très bonne surprise et une valeur sûre de ce qu'on avait vu en 2012. Quelque chose à rajouter par rapport à ça, peut-être les uns les autres, hein? Enfin, le teaser part pour lui-même, quoi. Ouais, C'est non, ça. on le voit, on a tout de suite envie de voir ce que ça donne. Et enfin, rien que ça, c'est ça nous fout la ça nous rend heureux, quoi. Ça donne envie, ça a du charme, ça c'est pas de graphique, quoi, c'est vraiment attrayant. On a hâte de voir ce que ça donne, quoi. Le design est vraiment génial et c'est ouais, ça donne vraiment envie. Puis ça fait du bien de voir des films qui ne sont pas en 3D, même si on aime beaucoup les films en images de synthèse, c'est toujours agréable. Comme avait pu l'être début d'année dernière, Pirate, Bon à rien, Ouais. mauvais en tout, Qui qui était aussi était dans ce. justement d'Hardman. Exactement, tout à fait. Alors, la nuit suivante va faire plaisir à, j'imagine, beaucoup de monde, notamment ceux qui connaissent la galerie Art Ludique, puisque un musée Art Ludique va ouvrir ses portes le 16 novembre prochain avec une expo Pixar. Ce qui est une excellente nouvelle, sachant que c'est un. Donc, la galerie Art Ludique, c'est une galerie qui est spécialisée dans tout ce qui est l'animation, également les jeux vidéo, la bande dessinée. Et qui régulièrement fait des vernissages sur, que ce soit sur des sorties de films d'animation. Dernièrement, Moi, Moche et Méchant 2. Voilà, Exact, exactement. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, peut-être, Chronos, hein? ouais. Du coup, la galerie, c'est sur l'île Saint-Louis, galerie art ludique. Ils font pas mal de vernissages. J'avais rencontré Peter de Sèvres, très sympa d'ailleurs, au passage, qui avait bossé sur l'âge de glace, sur e-design de Scrat ou les choses comme ça. Et du coup, c'est à partir du 16 novembre, si je dis pas de bêtises, Tout à que fait. le musée C'est Art Ludique ça. va s'ouvrir. Et ils vont commencer par l'exposition Pixar 25 ans d'animation, qui a déjà opéré dans plusieurs capitales du monde. Et ça va être l'occasion de découvrir tous les travaux préparatoires, tout le boulot qui a été fait en amont sur les films Pixar. Et c'est quelque chose qui est très attendu. C'est clair, déjà quand on voit, je vous conseille déjà de regarder tout ce qui est, tous les artbooks sortis autour des films de Pixar qui sont vraiment tous magnifiques, tous très très, très où il y a énormément d'informations et de travaux préparatoires présentés. Donc c'est vraiment une excellente nouvelle déjà de pouvoir le voir dans le cadre d'une exposition quoi, sur Paris. Ça permet de voir le travail sur les couleurs, sur la lumière, et choses comme ça. Et c'est vrai que c'est vraiment un plaisir déjà dans les artbooks de feuilleter tous les travaux qu'ils ont faits. Ah oui. Et de voir ça dans un musée, non, franchement, c'est bien. J'ai hâte de voir ça. Ah, tout à fait, ouais. C'est bientôt, c'est dans un peu moins de 2 mois, donc ça. Ouais, c'est du 7 novembre jusqu'au 2 mars 2014. Et du coup, après, ils vont faire d'autres expositions par la suite. Alors, dernière news, peut-être que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à Ludic, Tonton, non? Non, j'ai juste très envie d'aller voir la première expo. Est-ce que ça va Et donner? oui, juste la différence donc avec entre la galerie et là c'est un musée, Oui, c'est un c'est musée, que ouais. le musée il y a vraiment va y avoir l'expo et il y aura une partie permanente aussi qui sera où il y aura un peu enfin ça sera un peu plus varié quoi, il y aura pas que Pixar à ce moment-là. Donc ouais, ça sera vraiment un musée et pas juste une galerie comme c'était avant. Exactement, oui. Puis ça me permet d'avoir un peu plus de place. Ah oui, parce que les deux petites pièces de la galerie, c'était un peu léger, quoi. Ça Il y a beaucoup de vite monde. rempli. Ouais. Ouais. Tout à fait. Alors, dernière news, et certainement pas la moins importante, qui est tombée en fait au courant du mois de septembre, début septembre même, puisque c'est la retraite annoncée par Hayao Miyazaki. Donc, c'était durant le festival de Venise. Où il a annoncé avec la sortie de son dernier film Le vent se lève que c'était finalement son dernier film donc il prenait sa retraite à l'âge de 72 ans. Alors qu'on se rassure, il prend sa retraite pour les films d'animation, mais il travaillera toujours au studio donc il sera Ouais, toujours présent. il fera certainement encore comme il l'a fait ces dernières années des courts-métrages, Les notamment fameux pour le musée. Ghibli's. Ouais. Et bon, après, on se souvient qu'il a à plusieurs reprises, il avait annoncé sa retraite avant de revenir. Bon, là, il semblerait que ce soit vraiment le cas pour lui sur ce film, parce que c'est vrai qu'à 72 ans, c'est une belle performance vu la carrière qu'il a eue dans l'animation. Puisqu'il avait commencé sur des séries, alors pour citer des séries qui étaient sorties en France, il y avait Conan le fils du futur, il y avait Sherlock Holmes. Notamment, il me semble qu'il avait également travaillé sur le château de Cagliostro, Oui. qui est un excellent film de la licence Lupin. Et ben voilà, il a participé à écrire les lettres du cinéma d'animation, du studio Ghibli notamment, avec des films comme Princesse Mononoké, comme Le Voyage de Voyage de Chihiro, Chihiro, qui sont ben, Mon voisin Totoro, nos voisins. Porco Porco Rosso, tout à Rosso, fait. on peut tous les citer. Ouais. Voilà, dans le sens croissant et décroissant des dates de sortie, c'est clair. Donc voilà, c'est finalement une page qui se tourne parce que c'est même nous on l'a toujours connu hein, finalement en termes de en tant que réalisateur actif hein, sur les films d'animation. On espère que le studio réussira à trouver, en tout cas continuera à travailler sur une même qualité de film. Puisque c'est pareil, on parle de Hayao Miyazaki, mais de l'autre côté, il y a également Isao Takahata qui n'est plus tout jeune. Qui continue lui aussi, puisqu'il y a son prochain film dont j'ai perdu le nom, qui sort au mois d'octobre ou novembre S'appelle au le Japon. Kaiguya Hime no Monogatari. Voilà. Ouf. Et qui a été annoncé, il me semble, il y a quelques jours pour une sortie en France l'année prochaine. Ouais, tout à fait. Alors, il aurait été étonnant de pas le voir sortir en France, quoi. Ce serait dommage, ouais. Mais du coup, c'est pareil, c'est un tournant pour le studio et on espère qu'ils réussiront à pas à se relever parce que c'est une bonne chose pour eux aussi de pouvoir se renouveler et pouvoir offrir leur chance à de nouveaux réalisateurs sur leur prochain projet. Eh bien voilà, je pense qu'on a terminé avec la partie des news. On va parler, alors du coup, on a la petite partie box-office. Je vais laisser du coup Tuntun nous évoquer les chiffres, les différentes sorties cinéma sur l'été 2013. Ouais, mais on va commencer par le gros succès de l'été, qui est Moi, moche et méchant 2, qui est donc là, les chiffres 11 septembre, c'était 4 549 000 entrées, donc en 12 semaines, ce qui est assez conséquent quand même, surtout pour un film d'animation. Comme ça, c'est assez énorme. 12 semaines en plus, ouais, il a passé tout l'été dans les salles. Il reste encore pas mal de copies, puisqu'ils sont à 242 copies encore en cours. Ensuite, il y a Monstres et Compagnie. Monstre Academy. Monstres Academy, pardon. Oh, le lapsus. Lapsus révélateur. qui est à près de 2 millions, 1 936 000 entrées. Donc en 8 semaines et il a quasiment disparu lui des salles. Ce qui est un score honorable pour un Pixar en France, C'est pas le meilleur. c'est pas le meilleur, mais bon ça reste. Après je pense qu'il s'attendait peut-être un peu mieux aussi, parce que c'est la suite de Monstre Academy qui a. Monstre et compagnie, pardon. Décidément, ouais. Qui était quand même un gros succès critique. Et je suis pas dans leur tête, mais je pense qu'ils s'attendaient peut-être un peu plus. C'est vrai qu'à côté, il y a Moi, moche et méchant 2 qui a quand même phagocyté beaucoup les entrées. Ensuite, il y Ce qui est a les intéressant, studios. alors Ouais. je te coupe juste sur Monstre Academy, ce qui est intéressant, c'est quand même, il fait au niveau du box-office au niveau mondial, il est quand même, quand tu regardes tous les films sortis de chez Pixar, il arrive quand même en troisième position. Donc Ah oui, il a bien marché. ce qui est une déception en Ouais. France ne l'est pas forcément dans le reste Ouais. du Mais monde. c'est bah, c'est en même temps son côté, on va en parler tout de suite, mais enfin tout de suite juste après. Mais c'est vrai que le côté teenage movie, c'est plus pour les Américains que pour nous, quoi. Ouais, c'est vrai. Il y a ce côté on est au campus Bah, machin. le principe des fraternités, bon, ça, voilà, Voilà. C'est très, de très. toute façon très orienté américain. Tout à fait. Ensuite, les Schtroumpfs 2 qui fait un très joli score lui aussi, qui est à 1 949 000 entrées en 6 semaines d'exploitation. Il reste beaucoup de copies, 491. C'est vraiment un beau score et je pense qu'il va continuer encore un petit moment. Après, quand tu compares au nombre de copies, quand tu compares par rapport à bah, ne serait-ce que déjà par rapport à Monstre Academy qui a à peu près au même nombre d'entrées, ou même par rapport à Moi Moche Méchant qui a beaucoup moins de copies, c'est quand même c'est peut-être une petite Les déception. copies de Moi Moche et Méchant, c'est les 242 copies, c'est en 12e semaine. Oui, c'est vrai aussi, En ouais, tout à première fait. semaine, c'était beaucoup, beaucoup plus élevé. Tout à fait, ouais. Après, les Schtroumpfs 2, le fait qu'ils soient encore à 491 copies en 6e semaine, c'est plutôt pas mal. Et tu vois, il a déjà rattrapé Monstre Academy en 6 semaines, il fait autant que Monstre Academy en 8 Ouais, semaines. tout à fait. Donc c'est plutôt pas mal, mais après la destination n'est enfin la cible n'est pas la même Oui, et exactement, tout bon à fait. c'est les Schtroumpfs quoi, surtout en France les Schtroumpfs ont une grande renommée, donc c'est vrai que c'est pas étonnant. Oui, puis ça se passait à Paris, et voilà. Voilà, il y avait c'est pas le même contexte quoi. Alors, Drôle d'oiseau. Un drôle d'oiseau qui a lui fait un flop total. Donc c'est le film sud-africain qui est sorti donc il y a au 11 septembre, ça faisait 3 semaines qu'il était en salle, il a fait 237 000 entrées. Alors qu'il y avait en 3e semaine, il y avait encore 418 salles. Donc ça fait très très peu. J'aimerais revenir quand même dessus parce que c'est vrai que c'est le premier film sud-africain à être distribué en France et autant dire qu'il a été vendu comme un film pour, on va dire pour les enfants, même si ça touche également les enfants, mais je pense pas que la bande-annonce qui a été présentée a été non plus a été très vendeuse pour les personnes qui souhaitaient aller au cinéma parce que voilà, ne serait-ce que j'ai utilisé le thème de la compagnie créole pour vendre le film, c'est pas non plus. La chose la plus, je dirais entre guillemets, intelligente à faire. C'est pas de meilleur goût, non. Oui, voilà. C'est Et pas terrible. ça dénature même le message, en tout cas voilà, le message en fond que voulait présenter le film. C'est un peu dommage et à mon avis, il faut quand même faut quand même lui donner sa chance parce que faut aussi pouvoir. Faut aussi, comment dire, pousser ces productions qui ne viennent pas C'est vrai que de. c'est atypique quoi, une production sud-africaine. C'est la première fois qu'on en voit une, je Bah, pense. ne serait-ce que dire au niveau général, l'Afrique n'est pas un pays qui est très important en termes d'animation, en termes de production d'animation. Donc, ça peut être intéressant de pousser ce type de production pour permettre aussi l'émergence d'une certaine animation en Afrique. Voilà. Parce que ça permet aussi d'avoir un autre point de Un vue autre, culturel. ouais. Un autre regard. Exactement, c'est toujours très intéressant, quoi. Donc, Mais c'est vrai que tu parlais de la bande-annonce, mais c'est vrai que de manière générale, donc je sais pas par qui c'était distribué, mais la promotion était assez inexistante autour de ce film. en plus, ouais. Du coup, je suis quand même assez étonné du nombre de salles, en fait. Parce que là, en 3e semaine, 418 copies pour un film dont, enfin, personnellement, j'en ai entendu parler très très tard. Et je pense que voilà, il y a eu très peu de promos autour de ce film. Et c'est vrai que le voir dans autant de salles, c'est assez étonnant. Mais c'est vrai qu'après, les chiffres derrière, 237 000, c'est un four complet, quoi. Ouais, c'est pas Pour terrible. le nombre de salles, le nombre de salles qu'il y a eu, c'est famélique. Tout à fait. Alors, Aya de Yopougon. Il y a de Yopougon qui est sorti début août. Au bout de 4 semaines, il était à 108 000 entrées pour 89 copies encore en salle encore en ce moment-là. Là, au contraire, c'est plutôt pas mal. Ouais, tout à fait. C'est plutôt pas mal c'est kiffé. C'est un film d'animation d'auteur déjà. Donc c'est vrai que 108 000 entrées, C'est réalisé, c'est. alors je serais un peu à mon amour par rapport à la critique, mais c'est réalisé par le même studio qui avait réalisé le chat du rabbin de Johannes Farr. Ouais. Ouais, tout à fait. Ça se voit d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est plus un film qui va tourner sur les cinémas art et essai, qui va avoir une durée de vie longue, à mon avis, qui va tourner en France assez longtemps et qui va permettre d'émerger aussi en termes d'entrée, parce que c'est en tout cas c'est un film qui, à mon sens, mérite d'être vu. D'accord, bah, tu nous en parleras juste Exactement, après. on va pas aller plus vite que la musique. Et enfin, Guy et les Cafards qui lui fait 88 000 entrées en 2 semaines pour 264 copies. Donc, bah, c'est un peu comme Drôle d'Oiseau, c'est C'est faible. pas génial. C'est très faible, mais bon, c'est. Enfin, c'est faible par rapport à la renommée qu'a la licence. Je veux dire, Oggy et les Cafards, je pense beaucoup de gens connaissent Par le biais de la série, par ouais. rapport à la série, voilà, qui est diffusée sur France Télévisions, mais c'est vrai que 88 000, c'est assez faible. Et c'est pareil, la promotion n'a pas été Ouais, énorme. elle était pas énorme. Il n'y a pas eu Ouais. beaucoup d'affiches diffusées. Non, c'était pas génial. Eh Ouais, bien. et puis c'est vrai qu'il y a face à tout ça, il y a quand même Moi Moche et Méchant 2 qui lui a profité d'une promotion assez énorme. Enfin, moi je l'ai vu partout cet été, même enfin depuis le début du mois de juin, ils ont pas arrêté c'était vraiment monstrueux comme au niveau promotion Ah, mais de toute Moi façon, Moche et Méchant 2. s'il n'était pas là, à mon avis, Pixar aurait damé le pion, à mon avis, il en aurait profité. Mais Oui, oui. là, c'est vrai qu'il a un peu phagocyté tous les autres films, et du coup, les plus petits comme Aya, ils ont un peu souffert, quoi. Tout à fait. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour, que ce soit en termes de news, au niveau du box-office également. Ben on va s'intéresser maintenant aux critiques, on va ouvrir le cahier critique pour cette première émission de Celluloid. Ce soir, on va semer la terre. Moi aussi, je suis un arrêt cardiaque. On m'appelle Sully. Bob Razowski. C'est officiel, ça y est, je suis étudiant. Ça prend pas la terreur, ça vient tout seul. C'est vrai, il a pas tort. Allez, on va commencer tout de suite même avec Monstre et compagnie. Monstre Academy. Monstre Academy, donc. C'est On va pas y arriver. Monstre Academy, donc va nous présenter Toon. Oui, bah le Monstre Academy, la suite de Monstre et compagnie, ou l'inverse, je ne sais plus. La suite préquelle. La suite préquelle, voilà. Donc ça se passe avant. On retrouve nos deux compères du premier épisode qui vont à Krasowski l'école. et Mike Sullivan. Voilà. Jake Sullivan, pardon. Oui. T'avais dit en début? À la place de Jack, t'avais dit? J'avais dit Mike. Mike, D'accord. c'est Bob, Sully. en version Ouais, c'est ça. US. Mike et Sully. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Donc, bah, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. C'est complètement différent dans l'ambiance du premier, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça se rapproche plus du teen movie, des histoires d'étudiants en campus, etc. Donc là, on arrive à la Monstre Academy, justement, donc pour former les monstres de Monstres et Compagnie qui vont récolter les cris des enfants. Pour récupérer l'énergie pour faire vivre Monstropolis. Voilà. Et donc on commence par suivre Bob et c'est vraiment, enfin moi j'ai beaucoup aimé cette partie au début où on voit Bob grandir et vouloir absolument devenir un monstre réputé qui récupère beaucoup de cris des enfants et tout. Et non, vraiment tout cet univers, j'ai trouvé très différent, mais super dynamique, très très drôle. Il y a beaucoup de gags et de personnages qui m'ont fait mourir de rire. Moi j'aime beaucoup, je sais que Romain tu l'aimes moins, mais j'aime beaucoup Art. Alors, j'ai moi, c'est plus par rapport à la voix qui a Ouais, été par choisie, rapport à mais la voix, ouais. Qui rien que est doublé par Jamel Debbouze, le mais personnage est assez justement, moi je délirant, trouve que quoi. ça colle bien au personnage. Et en fait, il y a plein de personnages comme ça qui sont vraiment très très drôles. C'est quel personnage, Art, déjà? Art, c'est celui qui a des. Alors, Qui est comment violet, en dire? fait, qui peut faire la roue. Ah oui, c'est Ouais, vrai. qui a Oui, des je vois. jambes qui vont dans tous les sens. Il se porte D'accord, sur ouais. ses mains et puis là. Le truc tout Enfin. en fourrure, là. Ouais, ouais, Exactement, ouais, tout à fait. ouais. Et non, ouais, tout. Il y a une galerie de personnages vraiment très bons. On retrouve certains personnages du premier. Monstra et compagnie, où justement on les retrouve un peu au début dans des rôles un peu atypiques. Enfin, on les attendait pas forcément là. Tout à fait. Ouais. Et c'est vrai que tout le déroulement de l'histoire, ça tourne autour de la rencontre entre Bob et Sully, comment ils sont devenus amis, etc. Et c'est vrai que toute cette partie-là, j'ai beaucoup aimé comment c'était développé. Ça m'a sur certains points, ça m'a pas mal surpris, et voilà, c'est une très bonne chose. Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la construction du duo, finalement, le duo qui est totalement complémentaire dans Monstre et Compagnie, et qui va se découvrir d'une façon même forcée, quand on voit les événements qui se passent dans Monstre Academy, d'une façon forcée, pour finalement, alors en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on va les voir finalement à la fin gravir les marches petit à petit. Mais ouais, c'est très drôle. Et puis on peut parler aussi de la partie graphique qui est vraiment très très bien faite, qui est très travaillée. Ouais. Les lumières. Ce que j'aime beaucoup, c'est le détail quand ils prennent des photos. C'est des photos en, c'est des images en 2D en fait. C'est pas les personnages qu'on voit. Ouais. On voit vraiment. Donc c'est voilà ce genre de clin d'œil qui est assez sympathique. Et voilà, comme tu disais, c'est très coloré, c'est plein de rebondissements, c'est très très vivant. T'as des monstres de toutes les tailles possibles, voilà, de toutes les couleurs possibles. On est vraiment tout de suite concerné par le film et par l'histoire. Donc c'est déjà quand on a beaucoup aimé Monstre et Compagnie, forcément c'est très difficile de trouver des défauts à Monstre Academy. Peut-être moins objectif, ouais, pour le coup. Ouais. Exactement, tout à fait. En même temps, qui n'a pas aimé Monstre ouais. et Compagnie. Ouais, ça arrive. Ceux qui n'ont pas vu, je pense. mais alors, moi, justement, parce que je pense que la comparaison, on est obligé de faire la comparaison avec Monstre et Compagnie, c'est que finalement, moi, j'ai revu, pour la petite histoire, j'ai revu Monstre et Compagnie après coup. Alors, graphiquement, il y a un gap entre les deux qui est assez important. Par contre, en termes de rythme, c'est peut-être un peu ce qu'on peut reprocher à Monstre Academy, c'est que le rythme est moins. Et moins le point fort que nous pouvait l'être sur celui de Monstre et Compagnie, parce que Monstre et Compagnie, il faut savoir que ça part, mais allez, on vous laisse le générique, on vous laisse 10 secondes et puis ça part direct, c'est-à-dire que l'AVF est juste très très énorme, bonne. Les dialogues sont certainement les meilleurs dialogues qu'on ait pu voir. Il y a un énorme travail de traduction. Ah ouais, ça devient de plus en plus rare d'ailleurs de nos jours, mais bon. Et c'est un travail de traduction, ouais. Surtout d'adaptation. Oui, c'est surtout ça. Parce que c'est des jeux de mots, c'est des dialogues sur lesquels les personnages se renvoient la balle constamment. C'est des références à plein de choses. On est même obligé pour Monstre et Compagnie de le regarder plusieurs fois pour bien comprendre tout ce qui a pu être dit dans le film. Et c'est peut-être un peu ce qui pêche dans Monstre Academy, mais bon, là-dessus, on retrouve quand même... Le problème de Monstre Academy, c'est qu'il est vraiment calqué sur le modèle du teen movie US, la Sex Academy ou des choses comme ça, forcément sans le côté sexe, mais c'est vrai qu'en termes de rythme et en termes de gag et tout, c'est vraiment très proche, c'est calqué sur ces modèles-là. Et du coup, c'est vrai que on est un peu moins dans le rythme et c'est beaucoup plus découpé. Ouais, après, ça permet aussi on en parlera après, mais d'éviter le côté suite facile. Justement, ils prennent carrément un autre style de film pour justement faire leur suite, et ça permet aussi d'avoir moins ce côté suite facile, justement, en reprenant les personnages. C'est l'avantage, quoi. C'est vrai. Que dire de plus, c'est une des très bonnes, c'est pas forcément une surprise parce qu'on l'attendait quand même avec impatience, mais ça fait partie des très très bons films de cet été 2013, pour revenir rapidement sur les voix et sur les musiques. Donc les musiques, c'est toujours Randy Newman qui s'était déjà occupé des musiques de Monstre et Compagnie. La voix, il y a juste la voix française de Jack Sullivan qui a changé, puisque la voix de Bob Razowski reste la même. Et il me semble qu'en VO, c'est toujours Billy Crystal et John Goodman qui s'occupent du duo qui avait déjà si bien fonctionné sur le premier film. Je pense que que dire de plus sur Monstre Academy. Tout est dit. C'est très bien, ouais. Très bien. À voir. On va passer à une autre suite qui, elle, est une suite et qui n'est pas une préquelle. Bonne nuit, Edith. Bonne nuit, Margot. Oh, une seconde, tu envoies des textos à qui? À mon amie Camille. Camille? Camille, c'est un nom de fille ou un nom de garçon, ça? Ça change quoi? Rien, ça change rien du tout, sauf si c'est un garçon. Tu sais à quoi on voit que t'es un garçon? Oui, à quoi? T'as pas de cheveux sur la tête. Oui. Des fois, je la regarde et j'imagine que je vois sortir un petit poussin. Piou, piou, piou. Piou, piou, piou. Bonne nuit, Agnès. Ne grandis jamais. C'est moi, moche et méchant 2. Donc, tu vas nous en dire un petit mot, Chronos. Ouais, alors, moi, moche et méchant 2, du coup, c'est la suite directe. Donc, ça reprend, en fait, l'histoire où on retrouve Gru qui est avec les trois fillettes du premier film. Et en fait, il y a une espionne qui va le voir et qui lui demande d'enquêter justement sur le vol d'un produit chimique et d'enquêter justement dans un centre commercial où il soupçonne un restaurateur de tacos, je crois, un truc comme ça. El Macho. El Macho, voilà, c'est ça. Si justement c'est lui qui a volé le produit chimique. Et alors du coup, c'est vraiment une suite directe. C'est personnellement, moi j'ai autant aimé que le premier, c'est-à-dire sans plus, c'est agréable à regarder, mais je pense pas que je le reverrai plus que ça. Le gros gap, par contre, c'est graphiquement, c'est bien plus joli, c'est bien bien mieux fichu au niveau de technique justement. C'est vraiment chouette. Mais après, c'est plus l'histoire en fait. Finalement, ça reste une succession de gags plus ou moins rigolos avec les mignons surtout. C'est eux qui sauvent vraiment le film. Mais c'est vraiment que des gags visuels, le fait que Gru au final, au début du film, il est plus vraiment méchant puisqu'il est déjà avec les fillettes, donc ça devient presque un papa gâteau beaucoup moins intéressant que sur le premier film. Ah bah attention, la scène d'introduction le montre clairement. Hein. Ouais voilà, il est devenu gentil quoi, donc au final le titre il a presque plus raison d'être, mais ça c'est un autre débat. Mais voilà, c'est sympathique, ça m'a pas déplu non plus, mais je le retiendrai pas plus que ça. Je pense qu'on t'as un peu le syndrome l'âge de glace. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu le problème. C'est-à-dire que l'âge de glace sur les, bah, notamment à partir du deuxième, en fait, c'est vraiment Scrat qui met en avant et l'autre histoire et c'est pas qu'elle est en retrait parce qu'elle prend plus de place, mais finalement les gens attendent à plus la prochaine scène avec Scrat que de savoir comment va s'amener l'histoire. C'est ça, et même au niveau de l'écriture, ça fait très très sériel en fait, c'est vraiment voilà, on veut faire une suite et du coup on cherche une histoire à raconter, alors que on l'a vu sur Monstre Academy, là on n'a pas forcément une suite, on se dit alors voilà, on a ces deux personnages qui sont chouettes, on va se demander ah tiens comment ils se sont rencontrés en fait. Et sur Moi, Moi, Je suis Machin 2, c'est vraiment c'est pas assez justifié de faire une suite, c'est vraiment voilà, on doit faire une suite et du coup on imagine un scénario qui aurait pu être indépendant en fait, enfin ça manque d'écriture, quoi. Est-ce qu'ils auraient pas mieux fait de passer directement au film des mignons? Ah, c'est possible, hein, c'est possible. Ou alors d'attendre justement qu'ils trouvent une meilleure histoire ou quelque chose qui justifie peut-être que justement faire une préquelle ou une suite qui soit vraiment vraiment justifiée en fait. C'est ça le problème. Ouais. C'est vraiment le syndrome de l'âge de glace. On fait une suite parce que c'est le premier à marcher et que du coup on cherche une histoire. En fait, c'est ça le problème chez Pixar. On attend d'avoir une histoire pour faire une suite. Alors que dans un studio comme celui-là, on fait une suite, faute d'avoir une histoire intéressante. Ouais. C'est pareil, ils ont fait pareil avec les pingouins de Madagascar. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Après, voilà, ça reste une bonne, un film intéressant à voir, mais c'est clair qu'on pouvait en attendre peut-être un peu plus, ou même de voir autre chose, quoi, voir un peu à la manière de ce qu'était, parce qu'on prend l'exemple de Monster Academy, parce qu'il est sorti sur la même période, mais peut-être de prendre un deuxième film, mais sous un autre angle, c'est-à-dire peut-être avant, savoir pourquoi est-ce qu'il est devenu méchant. Ouais, voilà, ça aurait pu être sympa, quoi. Après, bon, le film n'est pas désagréable, puis ça fait du boulot en France, puisque le studio est français, donc c'est bien ça. Là, pas non plus s'en plaindre. Le problème de faire une préquelle aussi, c'est que du coup tu supprimes les trois filles qui étaient quand même notamment la plus petite qui était un gros plus avec les mignons du premier volume quoi. Ouais. Enfin du premier opus. C'est vrai aussi, ouais, tout à fait. On va passer à la suite, on va passer à Aya de Yopogo. Bienvenue Bienvenue à Yopougon, un quartier populaire d'Abidjan que nous avons baptisé Yop City pour faire comme dans le film américain. Hey, je vous présente Ignace, mon géniteur. Aya, tu me fatigues. Pourquoi tu es toujours en train de me désobéir? Cette belle femme, c'est Fanta, ma mère. Tu poses trop de questions. Mais je n'ai rien dit encore. Tu es trop curieuse. Les nouvelles vont vite dans ce quartier. Oh. Ne fais pas à moi! Le film est sorti le 17 juillet dernier. Et c'est certainement une des surprises les plus rafraîchissantes de cette période de l'été. Alors, pour vous expliquer un peu le déroulement, donc le film se passe en Côte d'Ivoire, dans les années 70. On y découvre Aya, une jeune femme de 19 ans qui souhaite faire des études de médecine au grand désarroi de son père. De même, ses amis sont plus intéressés par le fait de trouver un bon parti plutôt qu'un vrai métier. La jeune femme, même au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, s'efface même puisque l'intrigue ne va pas porter vraiment sur son avenir, mais plutôt sur l'évolution de la situation de ses proches. Alors, il ne faut pas s'attendre non plus à une histoire de haut vol, mais plutôt à des histoires du quotidien, voilà, un peu comme tu expliquais, Chronos, sur Moi, je suis le donc un côté un peu sériel. Donc, c'est plutôt des histoires du quotidien qui sont souvent en fait de débrouille, de fait, donc on appelle là-bas les maquis, dans un univers culturel qui est intéressant puisqu'on l'évoque que très rarement. On se prend clairement à sourire et à rire de bon cœur, devant voilà, les expressions du cru, face aux situations même évoquées sur le film, tout comme les réactions des personnages. Parmi les histoires qui sont mises en avant, il y a une histoire qui est assez drôle, parce que on rigole de bon cœur devant la tentative désespérée d'un paternel de prouver que sa fille attend bien un enfant du fils du plus riche industriel de la région. Donc il essaie de trouver un lien, on va dire, dans sa famille, pour montrer que le fils, voilà, que les gènes du fiston sont bien ceux du fils de cet industriel. Alors, le fond transforme clairement l'essai. Le problème, ça va venir finalement de l'animation, puisque l'animation en elle-même n'est pas de grande qualité. La chose intéressante à prendre en compte, c'est que le style du film reprend clairement le style de la bande dessinée. Donc, le fait qu'on est forcément sur un style de dessin qui est assez cassant, qui n'est pas forcément facile à animer, ça n'aide pas non plus à le faire. Malgré tout, l'ensemble reste très agréable à regarder. Et la forme va finalement passer au second plan. Et on est quand même heureux d'être devant un vrai divertissement où on se prend à rire finalement, on rigole par rapport à ce qui se passe, même si des sujets sont quand même des sujets graves sont évoqués. Une chose peut-être qu'on peut regretter, c'est la fin qui est expédiée vraiment trop rapidement. Mais on espère malgré tout que ça l'appelle une suite. Dernière petite chose, c'est que la particularité du film, c'est qu'il est réalisé par Marguerite Abouet et Clément Ouvrerie. Ce sont en fait les deux personnes qui sont à l'origine de la bande dessinée, qui est éditée chez Casterman. Ce parcours atypique rappelle celui de Persepolis, qui était à l'origine une bande dessinée donc de Marjane Satrapi, et qui a également réalisé la version, le film d'animation. Alors c'est quelque chose qui est suffisamment rare pour être souligné, et surtout quand le travail est de qualité. Alors vraiment, je vous conseille, c'est vraiment voilà, c'est un film coup de cœur pour moi, parce que c'est pas on sent qu'il n'y a pas forcément beaucoup de moyens derrière tout ça. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est le même studio qui a réalisé Le Chat du Rabbin, de l'adaptation de la bande dessinée de Johannes Farr. Mais voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'a pas besoin d'une intrigue de vol pour prendre du plaisir à aller au cinéma et regarder ce type de film. Donc c'est vraiment une bonne occasion de le voir. Si, à mon avis, il passe encore dans différents cinémas en France, malgré tout, si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, n'hésitez pas à acheter le Blu-ray ou le DVD, parce que c'est vraiment un des films d'animation à voir sur l'année 2013. Donc je crois que vous l'avez pas vu. Non, pas du tout. Il est sorti en 3D au cinéma. Ah non, pas du tout. Non, c'était uniquement. Il y avait pas l'effet de profondeur 3D sur ce film. Que je sais que Le Chat du Rabbin, ils avaient sorti une version 3D, il me semble. Alors, du coup, je me demandais s'ils avaient fait la même chose, mais. Je t'avoue que j'ai pas l'information. Je te dis non au premier abord, mais c'est vrai que c'est possible du coup qu'ils aient pu sortir une version 3D, sachant en plus que finalement cette animation très très très arrêtée sur plusieurs, on va dire, les différentes couches, les personnages, les corps, etc., peut être mis en avant par un effet 3D qui peut être aussi très sympa à regarder. Ouais. Alors du coup, je vais vous laisser la parole à tous les deux, puisqu'on va maintenant évoquer Turbo, le prochain, le dernier DreamWorks. C'est encore le début d'une merveilleuse semaine de travail sur le chantier. Bonjour Ted. Bonjour Paul. Ça, c'est pas de chance. Tous les jours, c'est la même chose. Allez, on avance, on se dépêche un peu. Attention, Turbo déboîte. Elle m'a coupé la route. Arrête de faire une fixette sur la vitesse. Profite de la vie. T'appelles ça une vie? Plutôt, tu accepteras l'ennui et la profonde monotonie de l'existence. Oh non. Et plus tu connaîtras le bonheur. Alors, Turbo, donc c'est le prochain DreamWorks qui sort en fin d'année. Donc c'est l'histoire d'un escargot qui se retrouve, qui est dans une sorte de communauté d'escargots, dans un jardin, essaie de survivre, et a justement profité de leur condition d'escargot. Sauf qu'il y en a un justement qui n'aime pas cette condition et qui va chercher à s'émanciper en quelque sorte. Et un jour justement il tombe dans une sorte de réservoir de nitro dans les voitures de course là, pendant les trucs à Need for Speed, et il se retrouve avec des super pouvoirs où il peut aller super vite, il a des pouvoirs de voiture où il peut avoir des phares à la place des yeux, des klaxons, des trucs comme ça, et du coup il va croiser un restaurateur de tacos qui va justement aider à concourir dans une course de NASCAR, celle qui se passe en ovale, là, je sais plus le nom précis. Indianapolis. C'est ça, ouais. Et du coup, il va justement être révélé au grand jour, et ça va être un vrai phénomène, parce que c'est le premier escargot qui va concourir dans une course de voiture. Comme quoi, ça arrive. Alors du coup, pour un DreamWorks, en fait, c'est comme d'habitude pour ma part, en tout cas, je regarde la bande-annonce, je me dis, bon, ça a l'air sympathique sans plus, le pitch me fait pas trop rêver, et puis au final, quand je regarde le film, ça passe pas trop mal, parce que c'est bien fait, c'est bien produit, c'est pas trop mal réalisé, l'histoire est sympa, mais c'est très calibré, en fait, il n'y a rien d'original, mais tu passes quand même un bon moment, il y a un petit peu d'humour, etc. Donc ça, c'est plutôt bien, ça lorgne beaucoup plus de Ratatouille que de Cars, dans le sens où il y a vraiment ce côté, l'animal qui est confronté au monde des humains, mais là, du coup, tout le monde sait qu'il est présent, en fait. Après, franchement, pour un DreamWorks, c'est vraiment très mineur. J'aurais presque été moins surpris que The Cruise arrive pour un film de Noël, justement, et qu'ils inversent ces deux films. Parce que The Cruise, pour le coup, est plus ambitieux, et mieux techniquement, parce que Turbo, il y a franchement des choses qui sont pas géniales. Enfin, quand on regarde Monster Academy, on sent que le niveau est vraiment au-dessus, et Turbo, tout n'est pas non plus super joli, quoi. Il y a des trucs très jolis, mais il y a des moments où voilà, c'est un peu léger, quoi. Surtout pour un film de Noël, en tout cas. Voilà, après, il y a des trucs très chouettes. Dans les scènes du cours, c'est vraiment sympa, avec la caméra qui bouge bien. Non, franchement, on prend un petit plaisir à regarder le film, même si le film est mineur et que je pense pas qu'il y aura de suite. Donc voilà, c'est sympathique, mais sans plus. C'est un DreamWorks, pas dans le haut du panier, mais dans la moyenne, on va dire. Ça mange pas de pain, quoi. Ça mange pas de pain, exactement. Momo, une fillette de 11 ans, vient s'installer avec sa mère sur une petite île où le temps semble s'être arrêté. Voici ma fille, Momo. Momo Miura. Bonjour, grand-tante. Tu veux pas qu'on retourne à Tokyo? Tu peux y retourner toute seule si tu veux. Pourquoi n'as-tu pas terminé cette lettre, papa? Alors, Lettre à Momo, film sorti, sorti en cette, donc, dans le courant du mois de septembre, pardon. Le 25. Le 25 septembre, plus précisément. Alors, bah, du coup, vous l'avez vu tous les deux, bah, je vais vous laisser en parler à ce moment-là. Lettre à Momo, donc c'est par le réalisateur de Jinro, déjà. Mais ça n'a absolument rien à voir. Rien à voir. C'est une Momo, donc une jeune fille qui débarque avec sa mère sur une petite île japonaise. Ils vivaient à Tokyo et ils sont revenus sur cette île suite au décès de son père. Et en fait, voilà, en gros, Momo, avant le décès de son père, justement, elle s'est disputée avec lui, et donc elle regrette un peu, et pour seul point d'attache qui lui reste, c'est une lettre que lui a laissée son père, qui commence par « Cher Momo », mais qui n'a pas de suite. Et donc voilà, donc on va la suivre un petit peu, découvrir la vie sur l'île, etc. Sachant qu'au début, elle s'ennuie pas mal, et enfin voilà, il va se passer plusieurs choses, et elle fait le deuil de son père, etc. Et en fait, petit à petit, elle va se rendre compte qu'il se passe des choses étranges dans leur maison et sur l'île. Et en fait, petit à petit, vont lui apparaître trois yokai qui sont en mission pour Momo et sa mère. Et donc, on va les suivre petit à petit. Elle va les découvrir. Elle va évoluer. Avec eux et avec sa mère. C'est pas évident à expliquer parce qu'il se passe en fait pas mal de choses dans ce film. Il est assez long. Il fait 2 heures. Mais alors, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Enfin, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce film. Malgré justement quelques longueurs. Mais c'est vraiment, déjà, il est magnifique. Il est vraiment très, très beau. Les décors sont sublimes. C'est au niveau de l'animation, il est très impressionnant. Voilà, on sent qu'il y a énormément de boulot derrière. Après, au niveau de l'histoire, moi, il y a des yokai, donc déjà de base, ça me plaît. Surtout les yokai, bon, forcément, il y a un ressort comique parce qu'au début, elle a peur, après, elle apprend à les connaître, etc. Et ils sont très très drôles, les trois, surtout le plus que moi j'aime Ah, beaucoup. Je sais pas ce que il est t'en penses, génial. Chronos, Sa langue qui pend là au mais début, ouais. c'est vraiment. D'ailleurs, je le trouve très sous-exploité par rapport aux deux Bah, autres. il est un petit peu comme les mignons, c'est vraiment le petit personnage qui Ouais. apporte rien à l'histoire, mais qui est juste là pour le comique, quoi. Il a quand même un. Enfin. C'est assez discret, mais il a quand Ouais, même un ressort très important, notamment à la fin. c'est vrai. Il y a Où, un petit rôle, mais ça reste ouais. assez discret. Mais vraiment, ouais, c'est. Il est, comme je l'ai dit, il est un petit peu long, mais il y a des scènes vraiment très touchantes. J'ai versé ma petite larme à la fin. Mais non, il est très touchant, très, très joli. Et ouais, intéressant dans la façon de traiter justement aussi le deuil. Notamment avec la mère que je trouve très intéressant comme personnage. Mais ouais, c'est un peu pareil. J'ai bien aimé. C'est pas, ça vaut pas un Ameyuki, c'est pas à ce niveau-là, ou un Totoro par exemple. Mais c'est vrai que c'est un film impressionnant, même surtout au niveau animation, comme tu as dit. C'est assez impressionnant. Alors, c'est peut-être ça qui fait que le film est assez lent en fait, parce que l'animation est très découpée. C'est très, ils insistent bien sur les Peut-être, ouais. détails et choses comme ça. Après, le personnage de Momo au début, c'est vrai que on a un peu de mal à se rocher parce qu'elle est assez. Presque antipathique, enfin elle est un Ouais. petit peu associée, alors forcément c'est pour évoluer par la suite quoi. Mais c'est peut-être ça justement, on a peut-être un peu de mal à rentrer dans l'histoire au début, mais justement comme tu as dit, il y a des scènes vraiment touchantes sur la fin, ça rajoute un peu de fantastique aussi, avec y a un petit côté Ghibli sur la fin, justement, enfin, sans spoiler. Mais ouais, le petit personnage il est vraiment drôle, le film est très joli, et puis il y a ce côté campagne japonaise que j'aime beaucoup, qui est très... Ouais. Très rafraîchissant, ça fait du bien de voir des films comme ça. Et donc voilà, un bon petit film d'animation. Ça fait, je crois que c'est son deuxième film en fait, il a fait que celui-là et Oui, Jinro. le reste, c'est en fait, il était chef animateur sur beaucoup, beaucoup de films de séries. Donc Mais il a voilà, bien pris son temps quoi. en tant que réalisateur, voilà, c'est son deuxième film. Et pour noter aussi, alors moi je l'ai vu en VF et toi tu l'as vu en En VO. VO, ouais. J'avais très peur de la VF, notamment à cause de la bande-annonce qui me. Que je trouvais vraiment pas, enfin, pas bien doublé, un choix de voix assez étrange. Et au final, à part les yokai, je trouve que les voix sont vraiment pas mal choisies. Surtout dans la galerie de personnages secondaires, la grande tante par exemple, Il n'y a pas de Jamel Debbouze dans les doubleurs. Non, non, il y a pas de Jamel Debbouze. mais non, c'est pas mal choisi et c'est pas mal doublé, c'est pas mal joué. Après, voilà, ça reste un film d'animation japonaise et s'il y a le choix, je pense qu'il vaut mieux de toute façon aller le voir en VO. Ouais. Mais si vous n'avez pas le choix, faut y aller quand même. C'est une bonne surprise pour ce début de fin d'année sur les écrans de cinéma, en tout cas. Tout à fait. Tout à fait, ouais. Mais voilà, je pense qu'on a quand même, pour une première émission, on a quand même une belle, un beau cahier critique. Une belle sélection, ouais. Exactement. Qui va un peu en plus dans ton. Qui va aussi bien dans l'animation en image de synthèse que l'animation 2D. Donc c'est plutôt intéressant et très diversifié. Et ben voilà, je pense que en tout cas la fin d'année est bien lancée pour les prochaines sorties. Voilà, donc je pense qu'on peut enfermer déjà le cahier critique. Et on va rouvrir tout de suite le cahier, en tout cas la partie débat, la partie autour du dossier que l'on a préparé, c'est-à-dire autour de la créativité chez Pixar. Pour vous présenter simplement les choses, on va d'abord refaire un topo très rapide sur ce qu'est Pixar. On va prendre 5 à 10 minutes pour un peu reposer l'historique de la société avant de repartir sur justement la question de savoir si Pixar était en panne de créativité, si Pixar est réellement sur une phase descendante par rapport à ce qu'elle a pu nous présenter depuis le début de sa... depuis sa création, tout simplement. Pixar, en fait, a été créé en 1979. Mais Pixar n'a pas été connu tout d'abord sous le nom de Pixar, mais d'abord en tant que Graphics Group, donc c'est quand même un nom beaucoup moins vendeur, qui était initialement un service de la division informatique de Lucasfilm. Et cette société, en tout cas cette branche, a été fondée avec l'embauche du responsable du laboratoire graphique du New York Institute of Technology, qui n'est autre que Edwin Catmull, qui est encore aujourd'hui présent, en tout cas à la tête, il fait partie de l'instance dirigeante de Pixar aujourd'hui encore. Faut savoir, donc au début, l'équipe commence à travailler sur des séquences de films produites par Lucasfilm avec ILM, donc ILM c'est Industrial Light and Magic, c'est la société de production d'effets spéciaux, si je ne dis pas de bêtises, au sein de Lucasfilm, mais il faut savoir qu'en 86, Graphics Group est racheté par quelqu'un qui est connu aujourd'hui encore, qui s'appelle Steve Jobs. Et ça me dit rien. Rien du tout? Non, ça me dit rien, je connais pas. Donc faut mettre à jour vos bases de données, mon cher. Donc faut savoir que Steve Jobs, après son départ d'Apple, décide de racheter la société et qui prendra le nom au début de l'année 86 de Pixar. Alors, Ce qui est marrant, c'est qu'il faut voir que Pixar, aujourd'hui, on la connaît comme une société une société qui crée des films d'animation. Mais c'est difficile à croire aujourd'hui, mais il faut savoir que Pixar était une entreprise également de matériel informatique, et dont le produit phare n'est autre que le Pixar Image Computer. Donc c'est un ordinateur pour lequel, en fait, un de leurs principaux clients n'était autre que Disney. Donc déjà, les relations entre les deux sociétés étaient présentes depuis un petit moment. Alors, le problème, c'est que ça ne se vend pas très bien et ça risque même de mettre la société sur le carreau, du coup. Ce qui se passe, c'est que Pixar décide, par le biais de son département animation, de commencer la production de publicités animées par ordinateur. Donc ça, on est toujours sur la fin des années 80 et en 90, ils décident finalement d'arrêter la division, de stopper la division de matériel informatique qui leur cause plus de pertes que de rentrée d'argent. Alors, tout voilà, du coup, l'animation Pixar rentre de plein pied dans l'animation. Et dès mai 91, Pixar et Disney vont signer un premier contrat de 26 millions de dollars pour produire 3 longs métrages, dont le premier n'est autre que Toy Story. Ce qui est intéressant, c'est que Steve Jobs a été en fait à plusieurs reprises tenté de vendre le studio. Par rapport aux pertes financières générées par ce dernier. Mais c'est au moment en fait où Disney a confirmé la distribution de Toy Story que finalement Jobs a décidé de rester à la tête du navire. Ce qui n'est pas une mauvaise idée de sa part, puisque les recettes brutes qui ont généré Toy Story ont atteint près de 350 millions de dollars. Ce qui pour un premier film est quand même un excellent résultat. Alors là, on est en mai 91, au moment du premier contrat des trois premiers longs métrages. Il faut savoir que dès 97, en fait, un nouveau partenariat va être signé entre Pixar et Disney, qui va porter cette fois sur la production de 5 nouveaux longs métrages d'animation et qui, eux, vont être prévus sur les 10 prochaines années. Donc il y a vraiment une vision à long terme qui est travaillée en tout cas entre les deux sociétés. Mais les problèmes vont arriver finalement très rapidement, notamment en ce qui concerne l'entente entre les deux sociétés. Puisqu'on va prendre déjà l'histoire de Toy Story 2. Donc Toy Story 2, c'est le troisième film de Pixar après Toy Story 1 et Billy et une patte. Et dès Toy Story 2, en fait, des points de désaccord vont apparaître entre les deux parties, puisque le film était initialement prévu pour sortir en vidéo, avant qu'une sortie de cinéma ne soit finalement arrêtée. Et il faut savoir que Pixar souhaitait que le film soit inclus dans les films prévus par l'accord, donc parmi les cinq longs métrages, ce que Disney a refusé pour Toy Story 2. Dès 2003 d'ailleurs, alors qu'on était sur un contrat qui portait jusqu'à 2007, donc dès 2003, des rumeurs ont bourrissé comme quoi Steve Jobs, qui est redevenu entre temps le président le PDG d'Apple, cherchera un nouveau distributeur pour les films du studio. Et il faut savoir donc qu'à la fin de l'année 2003, il ne reste plus déjà qu'un seul film à faire pour réaliser sa part du contrat, c'est-à-dire que là on parle de Cars, qui lui est prévu pour sortir en 2006. Alors pour information, ça c'est une donnée qui est très importante à prendre en compte, c'est que depuis 1995 et la date du premier contrat de distribution, les 5 premiers longs métrages qui ont été sortis par Pixar, à savoir Toy Story, Millie and Pat, Toy Story 2, Monstres et compagnie et Le Monde de Nemo ont recueilli au total plus de 2,5 milliards de dollars, ce qui est absolument phénoménal, ce qui correspond... Qui est assez important. Ouais, tout à fait. ça, en moyenne, ça fait 500 millions de dollars de recettes par film. Sachant que Le Monde de Nemo émerge à 800 millions de dollars de recettes. Là, on parle sur le monde entier. On reste vraiment sur cette donnée-là, sur cette base-là. Alors, forcément, ce sont des chiffres à prendre en compte, bien sûr pour Pixar, mais bien évidemment également pour Disney. Ce qui fait que dès début 2004, en fait, les deux sociétés ont cherché à définir un nouveau contrat. Le problème, c'est que donc, d'un côté, il y a Steve Jobs qui est à la tête de Pixar, et de l'autre côté, il y a Michael Eisner qui, lui, est à la tête de Disney. Le problème, c'est qu'entre les deux hommes, en fait, les deux hommes ne s'entendent pas du tout. Alors, ce qui est encore pire, d'ailleurs, c'est que les relations vont se tendre un peu plus, puisque Michael Eisner, en fait, a annoncé la création d'un studio d'animation pour les films en images de synthèse, donc, qui s'appelle Circle 7, et qui a pour but de produire le prochain Toy Story 3, ce qui rend Pixar très peu content, très mécontent d'ailleurs, puisque sachant que c'est eux-mêmes qui ont créé la licence des Toy Story, en tout cas les Toy Story 1, Toy Story 2, ils voient d'un très mauvais œil le fait que ce soit un autre studio qui s'occupe du troisième épisode. Alors malgré ces points d'achoppement qui sont très importants, il faut savoir que Pixar n'était pas en fait rentré en négociation avancée avec d'autres distributeurs, de façon à laisser une porte ouverte à Disney. Et également, ce qui est intéressant de voir, c'est que les relations vont se réchauffer entre les deux parties, puisque en septembre 2005, il y a le départ d'Eisner. Et du coup, le nouveau PDG de Disney va quand même aller dans le sens de Pixar, en tout cas faire en sorte de rapprocher un peu plus ces deux sociétés. Ce qui à l'origine, en fait, est un nouveau contrat, donc le troisième contrat de distribution, parce qu'on a vu qu'il y en avait un en 91 et le deuxième en 97, en fait. Ce qui pensait à un nouveau contrat de distribution, et ça en fait ça va se transformer en une acquisition de Pixar par Disney. Et ça va se concrétiser directement au début 2006, puisque Disney va annoncer le lancement d'une opération boursière pour acquérir Pixar pour quelques 7,4 milliards de dollars. Alors, ce qui est quand même une excellente opération de la part pour Steve Jobs, parce qu'il faut se rappeler que Jobs, en fait, à l'origine, quand il a acheté la branche de Lucasfilm à George Lucas, il l'a acheté pour 5 millions de dollars. Sachant qu'il a en plus rajouté 5 millions de dollars pour faire vivre la société, ça correspond à 10 millions de dollars. Donc, quand on parle à 10 millions de dollars de l'époque, aux 7,4 milliards de dollars d'aujourd'hui, C'est quand même une très très belle opération qui se passe pour Jobs. Sachant qu'en plus, dans le cadre de cette acquisition, Steve Jobs va devenir le plus important actionnaire de Disney, donc il aura une participation à hauteur de 7% des parts. Une autre personne qui va être gagnante, qui va avoir un rôle très important désormais, c'est John Lasseter. Donc John Lasseter, pour expliquer, il avait commencé sa carrière chez Disney avant de se faire licencier purement et simplement, et d'arriver chez Pixar et de lancer ce travail autour de l'animation en images de synthèse. Et donc John Lasseter va devenir directeur de la création pour Pixar et Walt Disney Animation Studio. Et il va devenir également conseiller créatif pour Walt Disney Imagineering. Donc, ça vous dit peut-être rien comme ça, mais en fait, c'est la société qui conçoit, c'est la branche en fait de Disney qui conçoit et construit les parcs à thème de Disney. Donc, autant dire qu'il a énormément de pouvoir entre ses mains. Chose importante, par contre, à prendre en compte, c'est que Pixar et Disney restent quand même deux entités, très distinctes aujourd'hui encore, même si Pixar appartient à Disney. Il y a toujours la différenciation entre les deux. D'ailleurs, on le voit sur les films d'animation, puisque Pixar reste toujours représenté au début de chaque film, puisque de toute façon, Pixar est une image de marque et Disney aurait tort de s'en séparer. Et puis, même au niveau décisionnaire, Pixar reste totalement indépendant de Disney. Oui. Enfin, il y a le John Lasseter qui fait le pont entre les deux. Et qui reste donc plus ou moins à la tête de Pixar, mais c'est vrai que Pixar reste totalement indépendant au niveau décisionnaire. Bah depuis qu'ils sont plus sous contrat surtout. Oui, voilà. Avant c'était un peu plus compliqué. Avant justement. C'était plus compliqué. Alors du coup donc là aujourd'hui on est à la fin du mois de septembre. On a vu tout à l'heure que Monstres Academy avait été un succès très important pour cet été, que ce soit un succès commercial comme un succès critique. La question qu'on va se poser ce soir, finalement, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas une panne de créativité chez Pixar quand on voit que depuis l'acquisition par Disney, donc il y a 5 films qui sont sortis, notamment plusieurs suites, et voilà, notamment quand on voit des films comme Cars 2 ou même Rebelle. Est-ce qu'on peut ne pas avoir une panne de créativité? Est-ce qu'on parlait d'une phase descendante par rapport à ce qu'était Pixar au début, depuis sa création, quoi? Je veux savoir les uns et les autres, qu'est-ce que vous pensiez de cet état de fait? Si pour vous, si vous êtes en accord avec ça, ou quel était votre point de vue, quoi? Bah après, au niveau des suites, je veux dire que c'est vraiment à partir de Cars 2 qu'on a commencé à se poser des questions, parce que Toy Story 2 et Toy Story 3, c'était des suites, et au final, ça reste quand même des suites de très bonne qualité, et les gens, même s'ils étaient un petit peu méfiants, ils ont vu qu'ils arrivaient à faire des choses bien avec des suites. Mais Cars 2 est peut-être un peu Rebelle après, ça a été vraiment les deux films où on s'est posé des questions, même si Rebelle remonte un peu la pente. Et Monstres Academy prouve qu'ils ont quand même encore des choses à dire, quoi. Mais il faut voir aussi dans le contexte, parce que Cars 2 est vraiment... très marketing comme film au final, parce que c'est vraiment un des gros succès de Pixar en produits dérivés. C'est peut-être le plus gros succès de Pixar en produits dérivés, et je sais pas si ça a vraiment été fait dans cette optique, mais en tout cas on peut se poser légitimement la question, quoi. Ah bah, quand on voit c'est pour le coup c'est un des Pixar que j'ai pas vu, mais quand on voit un peu l'approche qui a été faite, c'est clairement un film qui était destiné aux enfants, ce que le 1 l'était peut-être moins. L'un était plus recommandable, il était bien plus chouette à tous les niveaux, quoi. Cars 2, c'est vraiment déjà le fait de centrer sur Martin est typiquement le personnage très enfantin, très énervant aussi. il a vraiment aucune seconde lecture, c'est vraiment du premier degré avec des gags très visuels. On a du mal à, enfin, pour les enfants ça marche très bien, mais après pour le reste du public c'est un peu compliqué, quoi. Mais c'est vrai que on a du mal à se défaire de cette impression que Cars 2 est clairement là pour le marketing, parce que le premier Cars, il fait partie du bas de tableau au niveau des recettes en exploitation cinéma. Et du coup, on a du mal à se dire que c'est là pour autre chose que justement tout ce qui est produits dérivés et puis vente... vendre DVD Blu-ray par la suite, mais parce que au final c'est pareil, il fait pas Enfin, il est dans la moyenne des films Pixar, mais c'est pas extraordinaire au niveau des recettes. Et c'est vrai que bah voilà, on se dit c'est pas une suite comme Lasseter le disait, où on fait une suite pour parce que on a une idée. Là, on voit pas trop cette idée-là. C'est surtout qu'ils avaient quand même une réputation à tenir. Parce que Dreamworks, d'un certain côté, tout le monde sait qu'ils font des suites. Ils ont fait 4 Shrek, ils ont fait plusieurs Madagascar, etc. Donc voilà, de ce côté, on est plus surpris. Mais c'est vrai que Pixar, au final, c'était encore la grande société, la machine à rêve, celui qui faisait des films originaux à chaque fois. Alors du coup, Cars 2, c'était vraiment... Là. En plus, c'est une grosse pente descendante, quoi. C'est vraiment... deux extrêmes, quoi. C'est qu'on sort quand même de... Enfin, en dehors de Toy Story 3, on sort d'une série quand même de voilà, films où on a Les Indestructibles, Ratatouille... C'est presque la chute, quoi. Wall-E, Cars et là-haut. Donc c'est quand même... Enfin, c'est vrai que d'un coup... et puis c'est suivi par Rebelle, où c'est pas une suite. C'est vrai que c'est un nouvel univers que Pixar n'a jamais exploité, mais c'est comment dire, c'est vrai que dans la lecture et dans les thèmes, c'est beaucoup plus Disney que Pixar comme on le connaissait avant, quoi. Ouais, c'est ça le problème. Après, il y a eu beaucoup de difficultés au niveau du scénario, à mon avis ça a joué pas mal, mais il faut dire qu'aussi que les studios ont du mal à rentabiliser les échecs sur DreamWorks, par exemple les 5 légendes, qui a pas super bien marché. Il a bien marché, mais pas tant que ça, et même ça, en fait, ça suffit à faire une petite vague de licenciement au cœur du studio. Donc si juste un film qui se plante, ça provoque ça, ça veut dire que voilà, on peut pas leur en vouloir non plus, il faut qu'ils gagnent de l'argent, et des fois ça fait des Cars 2, des fois ça fait des Toy Story 3. Si ça leur permet justement de rester à flot et de faire des films qui marchent pour le public mais qui nous plaisent pas, mais que de l'autre côté on obtient des films beaucoup plus aguicheurs comme Monstres Academy ou là-haut ou Les Indestructibles, bah pourquoi pas, c'est dommage, mais au final si le risque d'échec est aussi grand justement en termes financiers, c'est un peu triste, quoi. À la limite, ça peut être un argument qui est recevable si la société était toute récente. J'ai envie de faire un parallèle en fait avec les studios de jeux vidéo. On parle souvent des petits studios qui vont commencer par faire des jeux de commande et avant de pouvoir développer leurs propres idées. À la limite, ça peut marcher. Voilà, quand on parle d'une société qui a, on va dire, 5-6 ans d'âge, tandis que là, on est quand même le premier film Toy Story est sorti en 95, donc ça fait 18 ans maintenant. Ça fait un petit moment, mais DreamWorks, justement avec les 5 légendes, ça juste un échec et ça coûtait pas mal d'argent et ça a provoqué des licenciements, et pourtant eux ils sont là depuis un moment, même plus que Pixar, puisqu'ils ont fait des longs métrages 2D comme Le Prince d'Égypte ou des choses comme ça, et vrai, ouais, pourtant ça leur fait du mal, quoi. Donc ça se pose des questions. Non, et puis c'est vrai que bah les films coûtent de plus en plus cher. En plus, enfin c'est là je sais plus les coûts, mais j'avais vu un tableau récapitulatif où les coûts explosent à chaque nouveau film, quoi. Donc c'est vrai qu'il faut pouvoir rentabiliser, et puis il y a le fait aussi que bah trouver de nouvelles idées chaque année, puisque bah depuis un certain temps maintenant, c'est ça, tous les ans ils ont un nouveau film. Ils sont attendus pour l'été à chaque fois, et c'est vrai que trouver une nouvelle idée tous les ans, créer un nouvel univers et tout ce qui va autour, quand on connaît le temps de production de ces films-là, qui sont au minimum de 2 ou 3 ans, c'est vrai que bah, des fois, ça fait peut-être du bien aussi de reprendre un univers déjà connu et avec tout le travail qui a été fait précédemment, et puis d'en faire une suite. Bah, c'est rassurant pour les investisseurs, et on peut le voir d'ailleurs quand on évoquait le planning de sortie, puisqu'il y a dans les donc il y avait The Good Dinosaur, il y a donc il y a également, du coup, forcément il y a 3 films, donc il y avait The Good Dinosaur, Le Monde de Dory, voilà, Dory, donc, ouais. Du coup il y avait Inside Out et Le Monde de Dory, donc Le Monde de Dory, du coup, c'est un peu le Celui sur lequel on va dire ils sont quasiment sûrs de bien réussir leur bah, de bien de faire en sorte que le film réussisse bien. En tout cas, c'est pour ça qu'ils le font, parce que le monde de Nemo est un énorme succès. Ah, ouais. Bah, ça reste aujourd'hui le deuxième succès le plus important de tous les temps pour ouais. Pixar. Hein. Parce qu'il avait atteint 880 millions de dollars au box-office au niveau mondial, donc c'était quand même très important. Et c'est vrai, alors, mais justement, il y a quelque chose, c'est intéressant quand on parle du monde de Nemo d'ailleurs, c'est que les films Pixar, en fait, ils représentaient toujours. Ils avaient toujours un impact, en fait, sur le spectateur. Alors, pour le monde de Nemo, il y avait eu énormément de poissons clowns qui avaient été achetés. C'était, voilà. Pour Ratatouille ou les Indestructibles, il y avait toujours derrière le côté, la cuisine et les super-héros aussi qui étaient mis en avant, dont on parlait beaucoup. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même un impact beaucoup moins important sur les derniers films qui sont sortis. Pour le public, voilà, il y a peut-être un attachement moindre, en tout cas moins Ça sur le long dépend, terme. Tu parles en création originale? Non, non, c'est plus, on va dire, le côté, le côté marketing. Les à côté, en fait, voilà. Parce que c'était pas forcément, je veux dire, le monde des animaux, ils ont pas forcément créé ça, ils ont pas forcément créé ça pour qu'on vende plus de poissons clowns. Ouais, je pense que c'est Oui. plus une question de chance pour le coup, c'est Ouais, une je question pense de feeling. aussi. C'est aussi, à mon avis, ça rentre en corrélation, pardon, avec les très bons chiffres du film. Ah oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. C'est juste Parce que que c'est cette impression-là d'avoir une importance souvent, en tout cas d'être moins important sur le long terme dans l'imaginaire des gens, en fait, de rester moins ancré dans leur inconscient. C'est plus ça, en fait. C'est vrai que une petite anecdote marrante, cet été avec Romain, on est allé à l'aquarium de La Rochelle, et c'est vrai que quand on passe devant l'aquarium, enfin le bassin avec les poissons clowns et je sais plus le nom de l'espèce, mais de riz, bah, y a tout le monde qui fait la réflexion, et d'ailleurs je crois que c'est noté dans la description du poisson que bah, c'est Nemo et Dory et c'est vrai que tout le monde en passant fait la réflexion quoi. Donc c'est pour dire l'impact que le film a eu sur tout le monde. Oui, et Ouais. aujourd'hui encore, parce que il est quand même sorti en 2003, quoi, donc il y a 10 ans. Ah, ça reste Oui, dans tout à l'inconscient fait. collectif. C'est vraiment acquis maintenant, donc c'est facile. Enfin, Planes, pour le coup, c'est typiquement un film facile. Les critiques américaines, ils sont pas tendres avec le film, et pourtant, le film, je pense qu'il va marcher parce que c'est vraiment le film qui est prévu pour rapporter de l'argent, qui coûte pas très très cher. Après, si ça permet de faire des films comme Inside Out ou The Good Dinosaur, quoi pas. Enfin, je suis pas en train de défendre les suites, mais s'il faut des films comme ça pour apporter un peu d'argent facilement, voilà, Oui, pourquoi pas. En fait. c'est sûr. Sachant que ce qui est important de prendre en compte, c'est que Plane, c'est Disney et c'est pas Pixar directement, quoi. Donc, Ouais, je pense qu'il touche un Oui. petit peu d'argent Oui, à à mon côté avis, oui, par rapport à la Oui, ils ont licence. les droits et puis de toute façon, voilà, ça reste une entité proche, quoi. Voilà, on parle quand même. On est en train de dire Pixar. On a l'impression qu'on est en train de dire Pixar. Demain, c'est fini. Non, pas à ce point-là. Demain, ils sont Demain, morts. ils sont morts. C'est surtout, à mon avis, la grosse déception, les deux extrêmes entre Cars 2 et là-haut, et trucs comme ça. Ouais. Oui, Et je c'est vrai pense que pas. et pour revenir un peu là-dessus, sur le côté créativité, c'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure, on a été habitué en fait depuis quasiment les débuts, ou à part Toy Story 2, bah justement après Toy Story 2, il y a eu une vague énorme de films, de nouvelles créations, où bah jusqu'à Toy Story 3, c'est que des créations. Et en fait, je pense que ça joue aussi, c'est que le fait que, enfin, les problèmes qu'il y a eu entre Pixar et Disney. Où ils n'ont pas sorti, enfin, où, quand ils ont fait Toy Story 2, il y a eu tous ces problèmes. Et le fait que, du coup, bah, Pixar n'était pas enclin à faire de suite, et enfin, il y a eu des problèmes de contrat là-dessus où ils ne voulaient pas faire de suite, et du coup, ils ont été dans l'obligation de faire des créations, de créer de nouveaux univers, etc. Je suis pas sûr que s'il n'y avait pas eu ces problèmes entre Disney et Pixar, Ils auraient pas fait un Millie in Pat 2 plus rapidement, ou un Toy Story 3 plus rapidement, ou des suites comme ça. De toute façon, c'est vraiment Disney qui a joué sur les suites, de toute façon, parce que ouais. le PDG qui s'appelait Michael Eisner, là, il a fait beaucoup de mauvais choix au cours de Disney, c'est lui qui a presque refusé Cusco ou des choses comme ça, et c'est un des premiers à soutenir le fait de faire des suites. Il y était beaucoup, beaucoup plus marketing que la plupart des gens de Disney, et c'est ça qui a posé problème à Disney, entre autres. C'est ce mec-là qui, bah maintenant, il est plus à la tête de Disney, mais en tout cas, il a vraiment joué sur la tendance à Disney à faire des suites, et même sur Pixar par la suite, puisqu'il a... Il a un peu empêché Pixar de prendre son indépendance. Il a même fondé une société, Circle 7 Animation, pour faire les suites de Disney, de Pixar, justement, parce qu'il ne voulait pas. Il les a un peu forcés à accepter le deal, justement, en faisant ce studio. Le studio, finalement, n'a rien fait, parce que quand ils ont annoncé leur achat, ils ont fermé automatiquement le studio. Donc c'était un peu dommage comme manière de procéder, mais c'est comme ça. Ça devait faire partie du deal entre Pixar et Disney au moment de la signature. Ouais, c'est ça, il devait faire des suites avec ou sans Pixar, donc du coup ça pose des problèmes. Ouais, c'est clair. Alors, il y a une chose qu'on n'a pas encore évoquée, je trouve, chez Pixar, et qui fait aussi sa marque de fabrique, ce sont les courts-métrages. Ouais. Parce que peut-être depuis le début, chaque film Pixar a en introduction un court-métrage d'animation. Qui n'a aucun rapport avec le film qui suit. Pas tout le temps. Ouais. Mais ça fait partie, d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure quand on a dressé l'historique de Pixar, ils ont commencé à faire des publicités d'animation, donc une image de synthèse. Mais je vois, il y a des très anciens courts-métrages, genre Luxo Junior, Tintoy, qui était un préquel à Toy Story. Au final, c'était presque destiné à être le projet de Toy Story, mais c'est resté juste un court-métrage. Et donc, je pense que c'est ce qui donne aussi l'impression que Pixar est aussi une société à part, parce qu'elle arrive quand même à apporter beaucoup de choses, ne serait-ce qu'en, alors que ce soit en termes de créativité, alors comme tu disais quand on préparait l'émission Chronos, que ce soit en termes de qualité technique que de la façon de raconter des histoires. À chaque court-métrage, il y a toujours quelque chose en plus qui montre quand même qu'il y a quand même une réflexion derrière, que le court-métrage, c'est pas une façon d'aller au long-métrage, c'est aussi une façon d'accompagner le long-métrage et du coup de montrer que ça a une importance tout aussi grande que le film d'animation, quoi. Bah, il y a plusieurs atouts à ça, justement, le fait de pouvoir laisser à des animateurs ou pas forcément des réalisateurs de proposer des projets, de faire leur propre court-métrage, ça leur permet d'essayer des trucs techniques comme For the Birds avec des plumes, c'était un test pour les poils de Sully dans Monstres et compagnie. Après, c'est plus des questions d'animation, de storytelling, comme sur Presto, c'était vraiment faire un cartoon avec la musique qui va avec, typique des studios Warner de l'époque. Du coup, ça leur permet vraiment d'élargir le champ et de se lâcher, de faire des choses qu'on n'a jamais vues, comme le Jour et Nuit, où ils mélangeaient l'animation 2D-3D, qui est très, très sympa d'ailleurs. Et là, le Parapluie Bleu, que j'ai pas pu voir, mais du coup, c'est plus pour le côté très réaliste du 3D. Le côté réaliste, en fait, des éléments naturels, c'est-à-dire du vent, de la pluie, ouais. De la fumée également, qui est très très fort. Et d'ailleurs, même sur... alors, je sais pas, à mon avis, il n'y a pas de lien, mais je vois notamment dans Monstres Academy, il y a quand même des effets de lumière qui sont assez saisissants. Ils ont un nouveau moteur de rendu. Enfin, c'est pas nouveau, c'est juste qu'ils utilisent une technique qui s'appelait la Global Illumination. Qui est assez connu en 3D, mais en fait, dans les films d'animation, ils n'utilisent jamais ça, c'est le fait que la lumière rebondisse sur une surface et que ça, par exemple, si ça rebondit sur une assiette rouge, ça va faire des légères lumières rouges sur le monde qui l'entoure, en fait. Et ça, c'est très très long à calculer, ils le faisaient jamais sur les longs métrages, ils trichaient avec des lumières qui faisaient les rebonds, justement, de lumière qui les imitaient. Et là, ça leur a permis justement de faire un film beaucoup plus beau. Alors c'est plus long calcul pour le coup, mais c'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais pu faire parce que c'était beaucoup trop lourd à calculer avant, en fait. Ils n'avaient pas les capacités. C'est ça, et ça apporte vraiment, on va dire même une... on se rapproche finalement de la réalité. Ah oui, ça se sent, ouais. Par ces effets-là qui sont assez saisissants et qui accompagnent très très bien le film, quoi. Dans les choses aussi intéressantes, c'est que l'on peut dire par rapport à la créativité de chez Pixar, c'est qu'il faut aussi peut-être comparer avec ce que fait la concurrence. Donc tu l'as évoqué tout à l'heure avec DreamWorks, c'est le fait qu'ils ont fait qu'ils ont essoré la licence Shrek jusqu'à plus soif. Ouais. Et c'est-à-dire que je pense qu'il y a peut-être aussi le fait qu'on peut être exigeant avec Pixar par rapport à ce qu'ils ont montré, par rapport à ce qu'ils ont fait. Et du coup, on s'attend toujours à toujours plus, toujours plus haut de en termes d'effets, en termes d'histoire, en termes de personnages, choses qu'on demande peut-être pas aux autres studios d'animation. Il y a une qualité à demander, en fait. C'est presque une norme, au final, la norme Pixar. Donc, du coup, à chaque film, on s'attend à avoir un truc de ouf. Et même Monstres Academy, techniquement, ça prouve que par rapport à DreamWorks, ils sont quand même bien au-dessus, quoi. Encore aujourd'hui. Ah oui, c'est clair, ouais, tout à fait. Et ce qui est vrai pour ça, c'est vrai aussi pour la façon dont ils vont accompagner leurs films. C'est-à-dire. On a vu notamment chez Disney, on a vu chez DreamWorks aussi le fait que énormément de films d'animation étaient après adaptés en série télé pour continuer à faire exister, à faire vivre l'univers qui avait été créé. Alors je pense chez Disney, il y avait eu la série du Roi Lion avec notamment Timon et Pumba, il y avait eu Lilo et Stitch également. Pour DreamWorks, il y a des séries avec les pingouins de Madagascar. Qui ont leur format propre, hein. Alors que ce soit au court métrage ou que ce soit en série d'animation, il y a aussi ça chez Pixar. Kung Fu Panda aussi. Kung Fu Panda, ouais. Et Dragon aussi, ils ont fait une série. Ah ouais, Dragon aussi. Ouais, Dragon aussi. Parce que Kung Fu Panda, j'ai vu un petit peu et c'est très très moche. Bah, Dragon, c'est pas génial non plus, mais en même temps, ils peuvent pas avoir la même qualité, ça c'est impossible. C'est ça le problème, voilà. Ouais. C'est le format qui permet non plus d'avoir une qualité identique, sinon il passerait beaucoup plus de temps pour réaliser la série, je pense. Ah oui, complètement, c'est pas les mêmes budgets, hein, pas du tout. Alors, pour vous, si on regarde maintenant Pixar aujourd'hui, Pixar aussi demain, parce qu'on a vu par rapport aux films qui étaient prévus à l'avenir, est-ce que voilà, vous pensez que ce qu'on imagine comme une panne de créativité, alors le terme peut être un peu fort aussi, hein, mais un manque de créativité en tout cas, est-ce que c'est quelque chose qui aura tendance à continuer à l'avenir, ou alors ça fait partie des soubresauts passagers que peut connaître une société du niveau de Pixar? Non, c'est une petite erreur de passage, à mon avis. Cars 2, c'est vraiment le film pour en faire rentrer de l'argent. Et puis, je pense que là, les projets qu'on a évoqués, qui vont arriver, ça donne déjà beaucoup plus envie. Peut-être que le monde de Dory, du coup, ça fait très pareil, rentrer d'argent. Moi, je suis pas spécialement fan du monde des noms, personnellement, donc je l'attends pas plus que ça. Mais bon, après, peut-être que ça sera une jolie surprise. Et puis, c'est aussi le retour d'Andrew Stanton et puis ça a l'air d'être quelque chose de mûrement réfléchi, un peu comme Monstres Academy ou Toy Story, qui sont pas non plus, enfin c'est pas anodin, quoi. Ils ont pas fait une suite pour faire une suite. On peut pas dire que les suites c'est signe de mauvaise qualité, on l'a vu déjà avant avec Toy Story 2 ou Monstres Academy. Non, je pense qu'ils peuvent faire des trucs très bien, c'est juste que la licence Cars en elle-même elle est moins dans l'esprit de Pixar que les autres films, quoi. Ouais, voilà, et puis je pense que du coup ils ont entendu aussi les critiques, parce que donc on le voit avec Planes qui est réalisé par Disney directement, donc ils vont peut-être reprendre un certain nombre de, enfin en tout cas cette licence et le décliner à l'infini, et puis il y a le fait aussi que comme tu l'as dit tout à l'heure dans les news, The Good Dinosaur, apparemment ils vont faire une année blanche pour pouvoir le sortir après, donc je pense qu'il y avait aussi ce temps où une période nécessaire où il fallait aussi qu'ils ils se renouvellent et qui se remettent en question et qui trouvent de nouvelles idées. Et le temps de faire ces films, parce que ça prend aussi du temps. Puis on voit que la créativité est toujours là avec justement des courts-métrages comme Le Parapluie Bleu ou dont on n'a pas parlé, mais Paperman. Oui, ça c'est Disney, ça Paperman. Ah, c'était Disney. Ouais, c'est Disney. Bah, d'ailleurs, j'espère qu'ils vont continuer parce que c'est pareil, c'était l'occasion de tester des nouvelles techniques. Ouais, mais là, c'est un mélange de 2D-3D. On le voit, ils se remettent un peu au court-métrage. Ouais. Et ça, c'est tant mieux parce que Paperman, il était très très très bien. Exactement. Et il y a quelque chose qui n'est pas forcément évoqué souvent, mais moi, c'est en fait en préparant l'émission, je disais une interview d'un animateur de Pixar, en fait, qui, en fait, on lui avait posé la question parce qu'il y avait une rumeur qui avait circulé, c'était aux alentours de 2005-2006, hein, comme quoi Pixar avait dans l'idée de faire un film d'animation, mais en 2D. Chose qui, on va dire, entre guillemets, est contre nature par rapport à ce qu'ils font. Est-ce que vous, ça, un Pixar en 2D, pour vous, ça serait intéressant à voir, de voir de quelle façon ils utiliseraient la 2D par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui? J'aimerais beaucoup voir ça personnellement. Après, je doute fort qu'ils vont le faire parce que déjà, ils ont Disney à côté. John Lasseter a déjà testé avec La Princesse et la Grenouille et ça n'a pas super bien marché. Ouais. Donc, niveau financier, je pense pas qu'ils vont tester tout de suite, en tout cas. Surtout que Disney a fermé le studio. Il y a eu pas mal de studios d'animation. En tout cas, je crois que c'était un des principaux studios d'animation 2D qui a été fermé cette année. Quoi. Ils font encore des courts-métrages comme celui de Mickey, mais après, ça reste... Après, voilà, faut voir le format aussi, mais j'avais vu donc, dans un commentaire audio, je crois que c'était pour le court-métrage de Doug en mission spéciale, qui était un court-métrage lié à là-haut, où justement le réalisateur du court-métrage disait que ils avaient beaucoup d'animateurs de Pixar venaient à la base de la 2D. Et que parfois, et du coup ça se voyait dans certains courts-métrages qui revenaient un peu là-dessus, pareil, pour Jour et Nuit par exemple, où certains animateurs étaient un peu en manque de cette 2D justement et étaient en demande surtout. Et du coup, voilà, c'est peut-être aussi une idée qui circule chez Pixar, mais peut-être pas sur un long métrage, mais plus sur des courts ou sur des moyens métrages, en tout cas sur un format un peu différent. De toute façon, c'est assez ironique, mais la plupart des écoles d'animation, c'est des écoles d'animation 2D, et ceux qui en sortent, qui font l'animation 3D, comme les Gobelins par exemple, il y a beaucoup qui se retrouvent à bosser chez DreamWorks ou Pixar, et pourtant ils font la 2D, donc c'est quand même signe que la 2D est quand même à la base de la 3D, et que ça serait dommage de l'oublier, quoi. C'est sûr. Alors, on peut dire, hein, peut-être en conclusion, sauf si l'un et l'autre avaient quelque chose à rajouter, mais pour le coup, voilà, comme tu disais, Chronos, Pixar, après, ça reste mon avis, mais Pixar a quand même encore de belles années devant eux, de toute façon, ça serait ridicule de dire le contraire. Mais surtout en termes de créativité, voilà, par rapport aux projets qui ont été présentés, Cars 2 a été, on parle de Cars 2, c'est vrai qu'on stigmatise ce manque de créativité par Cars 2, mais on parlait de Rebelle où il y a une scène qui fait plus, on va dire, le film fait plus Disney que Pixar, notamment par la scène qui reprend quasiment ce que faisait Robin des Bois, donc le film d'animation Disney, il y a plusieurs décennies de cela. Malgré tout, Pixar a démontré, que ce soit par les longs métrages, que ce soit par les courts métrages, qu'ils ont un savoir-faire très important, que ce soit en termes de technique d'animation, que ce soit en termes de la façon de story, donc ce qu'on appelle le storytelling, de la façon dont ils racontent les histoires, et que et les projets à venir le montrent d'ailleurs tout aussi bien. Que finalement il y a peu de soucis à se faire, et on attend d'ailleurs avec impatience que ces prochains projets soient dévoilés pour savoir que ces prochains projets sortent au cinéma pour toujours en prendre plein les yeux, quoi. Ouais. Voilà, donc je pense que là-dessus il y a pas de soucis à se faire. Alors du coup on arrive à la fin de l'émission. Donc déjà, je voulais vous remercier déjà tous les deux pour Merci. Merci à toi. pour la présence. Parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on souhaitait faire cette émission-là, et du coup, le format est quand même très intéressant à exploiter, je trouve. Et du coup, on se dit à ce moment-là, la semaine prochaine, non, au mois prochain. Au mois prochain. Au mois prochain, tout à fait. Non, avec c'est déjà pas mal. Hein. Des nouvelles On va news. Faire ça toutes les semaines. Ouais, tout à fait. avec des nouvelles news, des nouvelles critiques, un nouveau débat également autour de l'animation. Hein. Donc, on se dit au mois prochain à ce moment-là. À bientôt. Salut, merci à tous. Salut. That's all, folks. Pour ceux qui ont été curieux, qui se sont rappelés qu'au début de l'émission, on a parlé d'une séquence post-générique. Donc, on va vous la présenter dès maintenant, puisque la séquence post-générique va nous permettre de présenter des courts-métrages d'animation. Un court-métrage par émission, de toute façon. Va nous permettre de présenter des courts-métrages qui sont réalisés par d'anciens. Qui peuvent être réalisés par d'anciens élèves des écoles d'animation, en tout cas des courts-métrages qui nous ont attirés. Donc du coup, je vais te laisser, pour cette première émission, je vais te laisser Chronos nous présenter ce fameux court-métrage dont j'ai oublié le nom. Alors, ça s'appelle Azul, c'est un bleu en espagnol. Et donc c'est un petit court-métrage de Supinfocom, Arles 2012. Qui raconte l'histoire d'un bateau de croisière qui arrive sur une île mystérieuse. Les invités sont déguisés, ils sont à une petite soirée sur le yacht, et il y en a un qui commence à... Enfin, une petite troupe qui commence à aller explorer l'île, et ils commencent à se rendre compte qu'il se passe des événements bizarres avec des bateaux qui se retrouvent sur l'île, qui viennent d'époques différentes. Et un petit court-métrage en 3D avec des décors en 2D, c'est très joli et très sympathique. Oui, l'intérêt c'est que c'est aussi un court-métrage qui est muet et ouais. Finalement le message passe par les actions et les réactions des acteurs numériques du court-métrage. Tout à fait. Tu l'as vu également, Tonton? Oui, je l'ai vu, j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé. Enfin, c'est très coloré, c'est vraiment joli et j'aime bien les personnages, en fait. Les trois personnages, je les trouve très, très drôles. Ça m'a beaucoup amusé. Il y a un chevalier, il y a une femme déguisée en fleurs. Il y a un autre en téléphone portable. Un robot? Ouais. Ou un robot, pardon. Et aussi, il y en a un au début qu'on voit, qu'on voit également dans le bateau, qui va découvrir, finalement, qui va appeler à l'aide aussi à la fin. Parce que finalement, le bateau est proche d'une île et sur cette île, en fait, il se passe des choses assez étranges. Ça, je préfère vous le laisser. On préfère vous le laisser d'ailleurs le découvrir en regardant le court métrage. C'est pas aussi long que Lost, donc ça devrait aller. Ça devrait aller, ouais, tout à fait. Ça dure 8 minutes, aux alentours de 8 minutes. Hein, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, mais ça se regarde vraiment très bien. Ouais, tout à fait. Donc de toute façon, on va vous laisser le lien, comme on va vous laisser le lien de toutes les vidéos qu'on a fait référence aujourd'hui. Et puis voilà, je vous souhaite à toutes et à tous, et encore on vous remercie d'avoir attendu le générique de fin, jusqu'à la fin. On vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit, quel que soit le moment auquel vous écoutez ce podcast. À bientôt. Salut. Salut.